disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode numéro 4. Je procède au rappel de notre émission. Vous pouvez nous contacter à notre adresse email sur Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, Démocratie Participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie, @protonmail.com. Vous pouvez aussi rejoindre le forum EELB.su, Europe Écologie Les Brins. C'est utile si vous souhaitez commenter les articles qui sont publiés sur Démocratie Participative ou si vous souhaitez participer aux discussions relatives à tous les sujets possibles et imaginables. Je tiens d'ailleurs à souligner que cette semaine est ouverte une nouvelle section dans le forum, une section crypto. Non pas seulement pour apprendre à maîtriser les crypto-monnaies, mais pour apprendre à en faire du profit, apprendre à générer des bénéfices avec ces crypto-monnaies, avec la blockchain. Ça fait partie d'un petit peu d'une approche self-improvement, comment aider les membres de notre communauté à devenir indépendants financièrement en exploitant les nouvelles technologies. Donc, référez-vous au forum, vous en apprendrez plus, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Enfin, toujours la promotion du réseau social Gab, un réseau social que l'on pourrait qualifier de Twitter alternatif. Avant de remercier nos donateurs de la semaine, je veux présenter bien sûr les membres qui participent aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de les avoir, bien évidemment. Sans eux, il n'y aurait pas d'émission, tout simplement. Alors je vais commencer avec un vétéran qu'on connaît tous, bien sûr, c'est Fulbert. Salut Fulbert, ça me fait plaisir de t'avoir avec nous cette semaine, comme toutes les semaines. J'espère que tu auras des choses à dire, notamment sur l'Amérique. On va parler un petit peu du nouveau gouvernement Biden et de ce qu'il a dans sa poche, enfin lui et ses maîtres plus exactement. J'espère que tu auras des choses à dire, je pense que t'as pas trop loupé l'actualité. Comment ça va Fulbert? Ben, Fulbert va bien, comme d'habitude. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Est aussi avec nous cette semaine, bien évidemment, Pierrot, fidèle de l'émission. Comment vas-tu, cher Pierrot? Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Ça va très bien, j'ai la patate aujourd'hui. Formidable. Est aussi avec nous cette semaine, Alex, Alexis. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Merlin, qui me fait de l'ombre en tant que sorcier, rejoint aussi l'émission cette semaine. Comment vas-tu, cher sorcier? Eh bien écoute, Gandalf, je me suis retiré la semaine dernière, j'étais pas bien, j'ai pris mon sac à dos et je suis parti au Cameroun, sur les traces de notre cher cardinal en chocolaterie. Et en revenant de ce voyage d'Afrique, je me suis dit, mais l'Afrique c'est vraiment comme la France d'aujourd'hui, enfin, c'est la même chose, les PD, les juifs et la dette en moins, donc à méditer. Bonjour à tous. Tu essayes de nous vendre l'Afrique, Chenapan. Mais c'est un très bon argument de vente. Est enfin aussi avec nous cette semaine, Poporovitch. Comment vas-tu, Poro? Bah écoute, ça va. Ça va, on dit ça va? Moi, je pense qu'on peut dire ça va. Alors, ça va. Parce que si on dit ça va pas, ça va pas. Donc tu vois, je pense qu'il vaut mieux dire ça va. Alors messieurs, je voulais remercier bien évidemment les donateurs hein, qui soutiennent le site, le forum aussi, tout ça. Je rappelle à tous ceux qui le souhaitent, qui veulent nous soutenir, de le faire en crypto-monnaie, exclusivement en Monero. C'est la seule crypto-monnaie qui garantit l'anonymat du donateur, l'anonymat de celui qui reçoit le don, du récipiendaire, ainsi que l'anonymat du montant de la transaction. Donc c'est vraiment intraçable. C'est la monnaie aujourd'hui, la crypto-monnaie, qui permet de résister à cet état de plus en plus invasif, de plus en plus orwellien, hein. Là le mot n'est plus galvaudé, hein. On est dedans. Donc je recommande la crypto-monnaie Monero, bien sûr pour nous soutenir, mais aussi pour vous. Je le dis souvent, j'insiste, mais c'est vrai. J'en ai parlé dans l'émission, mais les projets de l'Union européenne, de la Banque centrale européenne, du fisc français sont très clairs. Abolition du cash dans les années qui viennent, ce qui veut dire pour toutes les entreprises ou les artisans ou les auto-entrepreneurs qui font du black, ça veut dire que ça deviendra pratiquement impossible d'en faire. Dans ces circonstances-là, la solution, c'est Monero. Voilà. Donc, je comprends bien évidemment que pour des gens qui sont, je ne sais pas, moi, des plaquistes, demander à des anciens de 60 ans de leur faire un virement Monero, ce n'est pas possible. En revanche, avec des jeunes clients, peut-être des gens dans la vingtaine ou dans la trentaine, c'est peut-être possible. Songez à leur proposer, parce que vous aurez un temps d'avance sur ce qui viendra après. Parce qu'au bout d'un moment, les gens devront y venir à ces solutions alternatives, avec bien sûr la blockchain. Hein. Donc, Monero, c'est vraiment un atout qui est à votre disposition. Ça ne vous coûte rien et vous avez un temps d'avance considérable face au gouvernement. Pensez-y, intégrez ça dans vos calculs, car, je le répète, le cash sera supprimé. Alors, imaginez ce que ça implique pour vous au quotidien, la suppression du cash. Alors, maintenant que j'ai tenu quand même à faire ce rappel, je remercie les donateurs. On a Destroying Fist qui nous fait ce premier don. Alors il dit, voilà, bonjour, je viens de vous envoyer 0,10 Monero. Je profite de ce paiement pour dire à tous les démocrates participatifs qu'il n'y a rien de plus simple que d'utiliser un VPN sur les conseils de Gandalf. Alors j'utilise CyberGhost qui facture 80€ pour 3 ans pour tous vos appareils, mais il y en a plein d'autres. Alors CyberGhost, c'est pas le meilleur, franchement. Bon, c'est mieux d'en avoir un que de pas en avoir, mais c'est pas celui qui remplit le plus les cases. Vous pouvez vous référer au site Restore Privacy sur Google, donc Restore Privacy, donc ça veut dire restaurer la vie privée si vous voulez. Là, il y a tout, il y a une, comment dire, c'est en anglais malheureusement. Alors j'espère que bon, s'il y a des gens qui comprennent pas l'anglais, c'est dommage. Mais sinon, pour ceux qui comprennent l'anglais, même grosso modo, vous avez une revue de tous les VPN. Bon, il y en a deux ou trois qui reviennent constamment. Vous pouvez vous y référer. Vous avez, comment dire, je crois qu'il y a ExpressVPN, je crois. NordVPN bénéficie d'une bonne revue. Je sais qu'il est critiqué, mais il y a des audits. Il est situé au Panama. Bon, voilà. Bon. Après, comme on dit souvent dans l'émission aussi, n'hésitez pas à doubler votre VPN avec Tor. Donc, vous avez votre VPN sur le dessus et en dessous, vous avez Tor. C'est-à-dire que pour les utilisateurs extérieurs, ce n'est pas visible que vous utilisez Tor. Voilà. Donc, ça crée une forme de discrétion. Bon, en tout cas, de toute façon, travaillez les sujets vous-même, renseignez-vous, hein, faites vos recherches, mais il est clair qu'il vous faut un VPN. Donc, je rejoins totalement le commentaire de notre donateur. Alors j'ai également créé une adresse ProtonMail, nous dit-il, avec laquelle j'écris ce mail. La navigation avec Brave, dès que vous faites des allusions aux crouilles, nègres ou autres, rase de boue. Oui, Brave qui intègre d'ailleurs un navigateur. Alors, privé, un navigateur. Vous avez le navigateur, si vous voulez, et vous pouvez créer une page de navigation privée, donc qui ne garde pas tous les cookies, tous ces trucs-là. Et une page de navigation Tor. Donc vous avez juste, en deux clics, vous êtes sur Tor. Vous n'avez pas besoin de télécharger quoi que ce soit. Donc c'est très pratique. Donc Brave offre cette possibilité-là. Alors là aussi, il y a toujours des critiques, etc. Puis il y a toujours des gens qui ont d'autres navigateurs à proposer. Donc c'est une discussion qui continue, bien sûr. Mais bon, disons que c'est mieux d'avoir un VPN, d'être sur Brave avec le navigateur Tor, une page Tor enclenchée, que rien du tout, quoi. Voilà. Mais renseignez-vous par vous-même. Alors, n'habitant pas en France, nous dit-il, je ne m'étais pas vraiment penché sur le problème, mais il est presque sûr que la censure et les restrictions vont être prises dans toute l'Europe, à toute l'équipe de DP. Continuez, vous êtes la seule résistance réelle. Merci encore. Et donc, comme je le dis, c'est Destroying First. Destroying First, mon Dieu. Enfin, je crois que c'était Point Destructeur. C'était pas mal aussi, Point Destructeur en anglais. Don numéro 2. Bonjour à toute l'équipe, je viens de vous envoyer l'équivalent de 66 euros pour EELB. Alors en fait, je résume parce qu'il y a eu deux courriers. C'est Jean qui nous écrit, qui est un de nos donateurs les plus réguliers, qui nous a fait un don de 110 euros, je crois, pour le mois de janvier, février, et pour le forum qui, effectivement, nécessite un financement annuel. Donc on remercie beaucoup Jean pour sa fidélité, bien évidemment. Enfin, don numéro 3, un don de 0,24 Monero. Bonsoir, nous vous faisons ce don pour soutenir votre action, votre travail vital pour notre cause et notre avenir. En avant, la victoire, S et L. Je me rappelle très bien de S et L. Je voulais dire aussi, vous l'aurez remarqué, que le nom de domaine maintenant est passé en .icu. Hein, on était sur .digital, maintenant on est sur .icu. La censure continue. Hein, la politique gouvernementale est très claire. Si vous avez suivi les développements dans la presse, que ce soit au Parlement français ou que ce soit par la prise de parole de gens comme Laurent Nunez, hein, qui sont responsables de l'antiterrorisme en France, je ne sais pas pourquoi ils nous... On considère comme... On fait des blagues sur les nègres, on est considéré comme des terroristes. Bon, je ne sais pas, c'est bizarre. Comment dirais-je, on est vraiment dans le collimateur, et c'est pour ça qu'ils veulent faire passer leur nouvelle loi pour interdire non seulement notre site, mais toute une série d'autres sites. Et la liste, de ce que j'ai cru comprendre, est très longue. D'accord ? Donc ils veulent systématiser le principe de censure des sites que le gouvernement juge, et ceux qui le contrôlent bien sûr, devoir être censurés. Donc ça c'est en ce moment, ça se passe maintenant, je crois qu'ils font passer ça... Je crois qu'ils veulent faire passer ça dans le projet de loi sur la défense des valeurs républicaines ou le renforcement des valeurs républicaines. Encore un truc. En fait, ils veulent refaire passer certains éléments de la loi Avia qui a été censurée par le Conseil constitutionnel dans ce projet de loi. Voilà. Donc, ils ont été chassés par la porte, ils reviennent par la fenêtre. Vous les connaissez. Je parle des Juifs, hein, bien sûr. Et donc voilà. Donc du coup, notre nom de domaine continue à être censuré. Alors, faites-le savoir autour de vous. Si vous avez des contacts par email, peut-être, des amis, voilà, vous dites c'est en .icu, parce que je remarque à chaque fois qu'on change de nom de domaine, en dépit du fait qu'il y ait des redirections, que ce soit accessible soit sous Tor, soit par VPN, et si nos lecteurs en ont, c'est plus facile, c'est sûr. Il y a quand même des gens qui sont des lecteurs réguliers, qui viennent vers nous et qui nous disent « C'est quoi votre nouvelle adresse? Je ne sais pas laquelle c'est. » Et alors bien évidemment on la leur donne, mais parce qu'ils ont notre adresse email. Mais la meilleure façon de contourner ce problème, c'est d'adopter un VPN. Une fois que vous avez un VPN, vous n'avez plus ce type de problème. C'est-à-dire que la censure peut s'exercer en France, vous aurez quand même accès au site. D'accord ? Donc si vous êtes des lecteurs réguliers et que la censure vous fatigue, tout en sachant que ça va s'amplifier, franchement, investissez dans un VPN. Vous avez des plans à 80 euros pour 3 ans, franchement, c'est un bon investissement. C'est un bon investissement. Ou au pire, même si vous ne voulez pas mettre un rond, sur Tor, vous pouvez avoir des favoris, vos sites favoris. Donc au pire, vous avez le site en point en lion de DP, vous voyez que le nom de domaine a changé, vous n'arrivez pas à consulter le site, vous allez sur le point en lion et vous voyez le nouvel article, tiens, c'est en point ICU, par exemple. Bah, sur Brave, justement... Grâce au fait que Tor est intégré dans Brave, donc Brave qui est un navigateur au même titre que Edge, que Firefox ou que Chrome, vous avez juste qu'à faire un clic à droite, navigation Tor, vous avez la page, vous rentrez l'adresse du site en oignon, donc l'oignon Tor du site, et puis vous y accédez, quoi, je veux dire, et là, il n'y aura jamais de censure. Et ça ne vous coûte rien. Et votre anonymat est garanti. Donc franchement, c'est faisable, hein, mais il faut... Ça fait maintenant plusieurs années qu'on incite nos auditeurs à le faire. Je pense que c'est très utile parce que toutes ces questions étaient très minorées, hein, jusqu'à l'année écoulée, il y a les 2 ans. Bien sûr, ça ne veut pas dire que personne n'en parlait, mais franchement, dans le grand public, ce n'était pas encore acquis. Je suis quand même très satisfait de voir que beaucoup de nos auditeurs, beaucoup de nos lecteurs, à force de nous entendre parler, ont commencé à se dire « Tiens, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe là, peut-être qu'effectivement, il faut que je m'y intéresse. » Et puis, ils nous disent « Voilà, tiens, ouais, j'ai pris ce VPN. » Et puis, ils comprennent que ce n'est pas juste un gadget, que c'est important. Il y a des personnes qui nous ont contactés, hein, et qui, parce qu'ils n'avaient pas de VPN, ont eu des problèmes. Et non pas nécessairement à cause du site ou de nous, mais simplement parce que ils n'avaient pas du tout pris la mesure de l'état de surveillance complet de l'Internet, que les Juifs avaient lancé la traque à toutes les formes d'opposition, et qu'un commentaire ou 2 commentaires sur Facebook peuvent se terminer devant un procureur. Et beaucoup de gens n'en ont pas encore conscience, malheureusement. Et ça, vous pouvez l'éviter grâce à quelques petites mesures, dont le VPN. Donc, ce n'est pas du luxe. Voilà. J'insiste, mais quand je vois ce qui arrive à certaines personnes pour ne pas avoir pris cette petite mesure et les conséquences qui suivent, franchement, ça vaut le coup d'insister, quoi. Voilà. Donc, voilà, le message est passé. Je continuerai à le faire passer parce que, évidemment, je souhaite le meilleur à tous ceux qui nous écoutent. Enfin, qui nous écoutent avec bienveillance, bien sûr. Hein. Pour les autres, je leur souhaite un peu moins de bien, bien évidemment. Tristan. Alors, quelqu'un veut-il peut-être rajouter un point particulier sur tout ce qu'on... Question anonymat, vie privée, VPN, tout ça. Peut-être quelqu'un voulait préciser un truc à tout hasard. Ouais, très vite fait. Franchement, moi, j'étais en contact avec des gens qui captent rien à l'informatique, des gens qui n'ont pas 20 ans. Et si vous voulez, en fait, c'est très logique. Donnez-vous la peine de le faire une fois, vous comprendrez qu'en fait, après, ça dure. C'est une manip qui dure 10 secondes, en fait. C'est vraiment bidon. Donc, faites-vous violence une fois, et après, ça passera tout seul. Ouais. Miracle de l'éther nègre. Nous allons aller à Lille. À la demande express de Pierrot. Oui. Un petit qui me fait très plaisir. Ah oui, oui, il a été convaincu, conquis même. Alors, allons à Lille. La bonne ville de Lille, gouvernée par Martine Aubry. Hein, vous la connaissez comme moi, une femme délicieuse, toute de gentillesse, d'intelligence, de générosité. Alors, voici l'article de La Voix du Nord. Une vendeuse rue de Béthune, une mère de famille au jardin des plantes, une étudiante à la bibliothèque universitaire. 3 profils différents, aucun lien, et pourtant, la même plainte, ou presque. Les 3 femmes ont croisé MB, les initiales, grand et longiligne gaillard, originaire de Conakry, en Guinée, arrivé en France en 2014, et à chaque fois, celui-ci a visiblement ressenti le besoin de s'exhiber et de se toucher en public. Dans ce ça te plaît, ça. Dans ce magasin, la vendeuse remarque un homme qui la dévisage. Ah, vous imaginez, vous avez les yeux écarquillés, ingurgités de sang, oui. Un gros faciès de Guinéen. Oui. Avant de débarquer, sexe en main et en érection, face à elle. Ça me grattait, là, dit aujourd'hui MB. Au jardin des plantes, une mère et son fils croisent un homme. Le sexe a l'air. S'ensuivront des violences et une tentative de vol que le prévenu niera, tentant de se présenter comme la victime. À la bibliothèque, une jeune femme se plaint d'un individu, grand, de type africain, qui se masturbe devant elle. Elle veut de l'argent, ou alors elle est folle. Lâche le prévenu. Il sera appréhendé plus tard. Vous savez ce que c'est une braguette ? S'agace rapidement la présidente Cécile Dangle face au bonhomme qui, dans son box, dissimule mal quelques sourires à la lecture des faits. Sa posture en défense ne renforcera pas sa crédibilité. Il nie presque tout, reconnaît seulement la première affaire. Oui, la seule pour laquelle vous avez été filmé, fait remarquer la présidente. La substitut du procureur, Justine Probst, gronde. Si on vous écoute, les plaignantes mentent ou elles sont cupides. On a trois victimes qui ne se connaissent pas et qui décrivent à chaque fois le même mode opératoire. Votre défense n'est vraiment pas crédible. MB est étudiant en master 2 d'économie. Enfin, il aurait terminé son cursus depuis 2018. Désormais, il dit faire des recherches. Alors là, sans accent, je travaille sur des bases de données, sur la Guinée, sur le droit administratif. Mais pour qui ? Interroge la présidente. Pour moi, assure-t-il, incapable d'éclaircir le tableau, toujours plus abstrait. Il mangerait grâce au resto du cœur. En défense, maître Buissard estime que son client est inaudible, alors quoi qu'il sorte de sa bouche. Pris de manière isolée, les deuxième et troisième faits ne seraient pas condamnables par manque de preuves tangibles. La lecture du dossier est impactée par le premier fait, déplore donc notre avocat de ce Guinéen. Le tribunal désignera MB coupable de tous les faits et suivra le réquisitoire du ministère public. 8 mois d'emprisonnement, attention, accrochez-vous, c'est costaud, hein. 8 mois d'emprisonnement, avec un sursis probatoire de 2 ans, hein, une obligation de soins, d'accord, de recherche de travail, mais aussi l'interdiction de paraître rue de Béthune, au jardin des plantes ou à la bibliothèque universitaire. Voilà le verdict extrêmement brutal donc d'un soviet de magistrate féministe enragé, apparemment, ouais, mais alors là, je sais pas, surprenante modération. Alors messieurs, là on est à une intersection là, hein, entre deux univers, deux mondes, hein, le monde de l'émancipation féminine, des femmes fortes, indépendantes, qui représentent aujourd'hui maintenant 80% quand même du personnel de la magistrature. Il y a 8000 magistrats en France, 6000 magistrateux, hein, et le monde un peu plus élémentaire, un peu plus simple finalement. De la Guinée-Conakry, que je ne connais pas. Oui, je ne connais pas l'environnement, hein. Je m'y suis pas rendu, je le confesse. Mais enfin bon, le fonctionnement est plus simple. Alors il y a deux univers qui essayent d'échanger, de discuter, de comprendre. Clairement, on n'y parvient que modérément. Mais enfin, je suis quand même... On a là des magistrats qui, quoique feignant une certaine dureté, lors du procès, dans leur verdict, sont quand même grosso modo. Bon, il y a un truc qui est un peu cruel, obligation de travailler. Oui, pour un nègre, c'est costaud quand même. Hein. Bon, c'est vrai que oui. Mais enfin, sinon. Une torture. Voilà. Alors, messieurs, qu'est-ce que donc là, alors le nègre l'habite à l'air dans un peu partout à Lille. Hein, il se branle l'habite à l'air, hein, devant des jeunes blanches, hein, c'est son truc. Oui, parce que tu connais donc pas la Guinée apparemment, cher Gandalf. Je le confesse. Donc la Guinée, c'est intéressant. Hein, vous savez que l'Afrique, c'est un shit-hole, hein, complet, totalement. Il y a quand même des degrés. Alors, la Guinée, c'est l'extrême ouest de l'Afrique, en face du Brésil, on va dire. Et c'est vraiment le shit-hole dans le shit-hole. Là, on est vraiment dans le trou noir, sans faire de mauvais jeu de mots. Il y a un QI moyen en Guinée qui est de 59. 59. Ça pique là. Oui. Ah, ouh. Ah bah on là, c'est des villes profondes là, je veux dire. On est en dessous du gorille. Non, là on est. 59 de QI. 59, les aborigènes peuvent se permettre de se moquer des habitants de la Guinée. C'est vous dire. 59, la motricité du bonhomme est engagée. Le type, il doit réfléchir. Attends, je veux mettre un pas devant l'autre. Il se touche le mal au cerveau, quoi. Bah, il arrive quand même à marcher tout en ayant la queue à l'air. Hein. Ça, il arrive à le faire. Tu vois, c'est... Ça, c'est son. Il se croit dans son habitat naturel. Le nègre, il a naturellement l'habitat à l'air. Le trépied. Ouais. Bah, alors bon, moi, je suis pas convaincu par sa défense. Hein. Ça me grattait. Bon. Ah oui, ça me grattait. Oui. Bah, il est possible, c'est possible, hein. La Guinée, il doit quand même avoir des maladies assez improbables là-haut. C'est pas impossible de penser que le type avait des morpions, le sida, des trucs comme ça. Bon, moi je voulais revenir sur un point, c'est que le mec, bon, Guinée, hein. Faut penser Guinée. Et le type, il est étudiant en master 2 d'économie. Alors, non mais vous imaginez le délire. Non mais la France, c'est ouh, ça va loin. Hein. Donc alors, Faut savoir que 59 de l'économie. QI, master 2 d'économie, oui, d'accord, oui. On va apprendre beaucoup de ce type-là, parce que l'économie de la Guinée, qu'est-ce que, enfin, ça se base sur le troc, quoi. C'est, je te file un bâton de manioc et puis en échange, t'as le droit de baiser ma femme. C'est ça l'économie de la Je Guinée. crois pas, hein. Je crois que c'est beaucoup plus l'économie du génocide, à mon avis, hein, du génocide tribal, à mon sens. Hein. Je crois que c'est plus j'arrive chez toi avec ma machette, je te coupe la tête, je pense que t'as, tu vois. Je pense que. Ah, des OPA, donc des OPA agressives. Voilà, ça opéra Mais hostile. il est en master 2 de troc. Mais il fait des recherches. Ouais! J'ai bien aimé quand il a dit je travaille sur les bases de données, machin. Moi, je pense qu'en fait, le type, il a dû entendre le mot base de données avant le procès. Il disait, ouais, ça, c'est bien, ça, c'est un mot sophistiqué. Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je vais le ressortir au procès. Ouais, moi, c'est base de données. Voilà. Et il fait des recherches pour lui-même. Voilà. Non, Donc, sur la Guinée quand même. ouais, mais pourquoi? On lui demande. Ah oui, Pour lui-même. pourquoi? Pour lui, ouais. Donc, Ben, il est curieux intellectuellement, c'est quel est le problème? Je comprends pas. Ça veut dire qu'il joue à Candy Crush. C'est ça que ça veut dire. Il passe ses journées à jouer à Candy Crush. Voilà. Il recherche sa tige au fond du calbar. Ah, il l'a trouvé. Alors ça, il l'a trouvé. Hein. Alors là, il n'a pas mis longtemps à la trouver. Hein. D'ailleurs, Je l'ai trouvé. il l'a trouvé là. Il a fait profiter du spectacle à toutes les femmes, très très très charmantes de l'île. Il y a une chance sur deux d'ailleurs que les femmes en question étaient des maghrébines d'ailleurs. Ben non, mais c'est vrai, hein, pour des raisons purement statistiques. Hein. Parce que la ville de Lille, quand même, ça a changé quand même, vous êtes d'accord avec moi, quoi. Hein. Rappelez-vous Il était du beau. la phrase de Martine Aubry quand elle avait dit: Ah ouais, mais moi j'aime pas les villes où. Ce que j'ai dans ma ville, c'est que certains nous disent, oh là là, ces quartiers sont pris en zone franche, 35% de maghrébins, eh ben c'est génial. Moi je m'emmerde dans des villes où on est tous pareils. Voilà. À Lille, tout le monde est pareil. Hein. Oui. Tout le monde prie dans la même direction, je veux dire. pas de... Sauf ceux de Guinée. C'est vrai. Ils sont musulmans en Guinée ou quoi? Non, ils sont animistes. Ils sont Ouais, je pense qu'ils animistes, sont quoi. sorciers, hein, comme Ouais. Merlin et Gandalf. Hein. Vous avez un concurrent. Oh non. Oui. Enfin bon. Peut-être qu'il fait bouillir des chats, lui aussi, comme l'autre, là. Ah oui, ça c'est bien, ça. Ça fait le lien avec. Ouais. Il joue à Top Chef avec des albinos, je crois, là-bas. Je crois que le président de Guinée, c'est Sékou Touré, qui a été muté, enfin, promu par le Parti socialiste pour être professeur à Sciences Po, je crois, ou en tout cas dans la Sorbonne, je sais plus. Et comment dire, il y avait le journaliste du Monde qui avait fait un reportage avec lui, enfin un entretien. Et le journaliste lui disait, mais alors, vous êtes là devant la population guinéenne, est-ce que vous avez peur de répondre à mes questions? Pourquoi vous voulez pas trop répondre à tout ça? Et puis il fait, mais de toute façon, 80% des gens, ils parlent pas le français. Qu'est-ce que vous voulez? Considérez-vous, le journaliste du Monde, que c'est un pays francophone? C'est pas le cas du tout. Ouais, bah, évidemment. Oui, juste là, je me permets quand même de faire une petite digression, mais vous avez vu là le running gag avec les boulangers, les négros boulangers magiques là. Ça continue, ça y est. La semaine dernière, on a parlé le boulanger obèse de Besançon qui était mort d'inanition parce qu'il n'avait pas eu son BN un après-midi là pour protester contre le fait qu'on osait. Enfin, les autorités, enfin, ouais, on sait même pas comment, par quel miracle. Enfin bon, quelqu'un à la préfecture a voulu faire son boulot. Par extraordinaire. Et il dit, tiens, c'est marrant, votre nègre là. Bon, il va pas parler comme ça, hein, je veux dire. Bon. Enfin, moi, si je suis dans un bureau à la préfecture, je parlerai comme ça. Mais bon, je suis pas dans un bureau à la préfecture. Et votre nègre, il est même pas en situation là, monsieur là, ça va pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? feriez pas un petit peu du pognon, là, comme ça, avec des gens non déclarés ? Alors, et la presse te retourne le truc et on te dit, on te transforme cette espèce de gros porc en héros des droits humains. T'sais, le mec, c'est un sinistre patron, tu vois, qui exploite des mecs venus de l'autre bout du monde, tu vois, qui n'ont pas de papier, tu vois, les mecs, ils disent oui à n'importe quoi, tu vois, parce qu'ils sont... Et le mec devient un héros, quoi. Donc, t'as le Thénardier, là, tout d'un coup, devient une espèce d'héros émancipateur grâce au miracle médiatique. Je trouve ça génial. Et évidemment, alors, il est passé chez Hanouna, cette espèce de sale juif huileux, là. On en a fait un héros, bien. Et tout est rentré dans l'ordre, parce que, bon, vous savez bien, il suffit de vociférer pendant 48 heures, enfin, quelques rombières ménopausées vocifèrent, et ça y est, c'est bien. Fofana a ses papiers, bien. Enfin, mais alors évidemment, ça crée un effet d'aubaine. Alors maintenant, on ne compte plus le nombre. À tel point que je me demande même si la filière de la boulangerie française n'est pas sur le point de s'effondrer sans le recours miraculeux à tous ces nègres boulangers, parce que on vient d'en trouver un autre là. Alors c'était à Dijon. Ils ont dit voilà à Dijon machin truc. Alors il y avait un boulanger aussi. Il disait ah maman. Encore un nègre musulman, encore quoi. Voilà, il me faut des papiers, etc. Alors encore rebelote, les droits de l'homme, le truc, le machin. Alors que l'autre, c'est un patron qui c'est un exploiteur, quoi. Hein. Bien. Alors bon, c'est reparti. France 3. Donc les marques, c'est marrant. Hein. Les communistes de France 3 donnent la main au patronat pour faire venir toujours plus de main d'œuvre immigrée, simplement parce que c'est des basanés. Aujourd'hui, la lecture de gauche aujourd'hui des rapports sociaux, c'est uniquement sur la base du phénotype. Hein. J'ai pas de problème avec le fait d'intégrer la question du phénotype, même si la race se limite certainement pas au phénotype. Mais alors à gauche, ils en sont vraiment strictement à ce niveau-là. Hein. Je veux dire, voilà, t'as une gueule de nègre, c'est carte blanche. Hein, voilà. Et donc c'est parti. Et là, j'ai vu qu'ils déplacent le problème. Maintenant, on est sur le problème des électriciens nègres. Alors là, on est retourné à Besançon. Retourner à Besançon, où ils ont trouvé un électricien. Alors, ça va faire tache d'huile, forcément. France 3 va se mobiliser à travers toute la France. Hein, dire, là, on a un électricien. Oh, là, on a un plaquiste. Là, on a un chef extraordinaire. Ça sera un 3 étoiles dans 2 ans, c'est garanti. Etc. Voilà. Voilà. Alors, en fait, grosso modo, hein, le discours maintenant médiatique, si un patron embauche un clandestin, il doit être régularisé dans la foulée. C'est le discours médiatique. D'accord ? Dans un pays, je rappelle quand même, quoi, qui est en train qui est sur le point de faire face à la plus grande vague de chômage depuis 1945, quoi. Hein, je veux dire, ce qui s'annonce là, avec la dépression économique qui se précise, ça va être une destruction économique sans précédent. Et dans ce contexte-là, les mecs t'expliquent « Non, non, non, mais c'est maintenant, on en a besoin. Là. Il nous faut de la main-d'œuvre pas chère, corvéable à merci, qui dit merci, buona, voilà. » Et c'est maintenant, c'est sur France 3. Hein. Et là, on voit la connexion, c'est ce que je dis, on voit la connexion entre la presse d'extrême-gauche, enfin, moi, je classe France 3 dans la presse d'extrême-gauche. Alors, évidemment, les gens d'extrême-gauche diront « Non, c'est pas la presse d'extrême-gauche, c'est la presse d'État. » Pour moi, c'est des marxistes. Et le patronat. C'est jamais que toujours ce qu'on a dit. Hein. Mais bon. Il va sans dire que les patrons qui embauchent des clans d'eau n'auront aucun problème. Ça porte un nom, ça, ce truc. C'est du travail dissimulé. Ils n'auront aucun souci. Voilà. Oui, parce que, en fait, les pouvoirs publics, maintenant, se mettent à trembler devant les médias. Et donc, il suffit d'un journaliste de France 3 qui fasse un article, lacrymal, éploré, pour essayer de mobiliser toutes les retraités de l'éducation nationale, pour qu'aussitôt, les trois tocards de fonctionnaires de la préfecture fassent machine arrière. Vous voyez ? Et en fait, c'est un sketch en plus. En plus de ça, c'est un sketch. Parce que les cas qui pointent du doigt, c'est les cas exceptionnels où une procédure d'expulsion est lancée. C'est exceptionnel. Il ne faut pas le perdre de vue, ça. Il y a des centaines de milliers de migrants clandestins qui arrivent chaque année en France. Il y a aussi une centaine de milliers de migrants légaux qui viennent, enfin, parce que les consulats français, ça, sont très, très occupés. Mais grosso modo, il y a 400 000 migrants qui arrivent chaque année. C'est considérable. C'est une ville comme Nantes chaque année. Jamais aucun de ces oiseaux-là, ces oiseaux de couleur, ne sont renvoyés dans leur pays. Pratiquement jamais. C'est rarissime. On a cité le cas précédent, le Guinéen, là, qui montrait sa queue partout à Lille, là, justement. Remarquez que les magistrates n'ont pas demandé son expulsion. Elles lui ont demandé une obligation de trouver un travail, ce qui nous a fait beaucoup rire. Mais il n'y a pas d'expulsion, ça n'existe pas. On ne les expulse jamais. J'ai déjà dit ça dans l'émission, mais c'est connu, c'est de notoriété publique. La façon dont l'État français fait semblant, enfin le ministère de l'Intérieur gonfle ses chiffres, il procède de trois façons. C'est les passages à la frontière franco-italienne. Donc, quand il y a miraculeusement Mamadou qui se fait interpeller du côté français de la frontière franco-italienne, on le compte comme un clandestin interpellé, on le renvoie en Italie, c'est-à-dire à 500 mètres plus loin, le lendemain, il repasse et il réussit à passer, d'accord ? Mais ça compte pour un, expulsé. Il y a Mayotte, hein, avec les Kwasa-Kwasa, qu'on connaît très bien, que Macron connaît aussi très très bien. Puis enfin, il y a les Roms, avec la Roumanie. Et là, il y a des accords entre le gouvernement roumain et le gouvernement français. Donc ça, c'est des gens... ils arrivent en France, on les rend dans des programmes de retour, etc. Voilà, et c'est comme ça qu'ils obtiennent 20 000, 25 000 très poussivement expulsions. En réalité, il n'y a aucune expulsion de migrants clandestins, a fortiori si ce sont des nègres. L'État français veut absolument maximaliser l'immigration noire d'Afrique. D'accord ? C'est une politique d'État décidé sur le long terme, il s'agit de faire de la France un pays de nègres. D'accord ? Mais ça, il faut bien le saisir. C'est pour ça que ces affaires-là, ils sont montés en épingle, c'est les rares fois où il y en a un qui doit répondre face à la loi, vous avez toute l'extrême gauche qui se mobilise, et tout d'un coup, vous avez l'extrême gauche qui serre la pince au patron. Vous voyez, il dit, oh, les patrons, c'est extraordinaire, je trouve ça, c'est génial, quoi. C'est quand même des marxistes, quoi. C'est des gens qui se proposent quand même de pendre les patrons à des arbres. Et tout d'un coup, ils leur tressent des louanges, quoi. Là, vous dites, il y a un truc. Et qu'est-ce qui fait qu'un patron est d'accord avec un militant communiste ? Comment ça se fait qu'ils sont d'accord, ces gens-là ? Ben, ils sont d'accord simplement sur le fait que ce soit un nègre et que le nègre est celui qui doit remplacer l'homme blanc. Voilà. En fait, donc, c'est ce qui unit ces gens-là, outre le fait que le patron cherche son intérêt bien compris et que l'extrême gauche est travaillée par le nihilisme, en fait, c'est la volonté d'anéantir l'homme blanc. J'en reviens toujours à ça. Mais voilà, mais là, c'est un running gag. Alors maintenant, ouvrez vos carnets, parce que je pense que maintenant, toutes les semaines, on va avoir un truc comme ça. C'est Il a fait la vaisselle quand même une fois au restaurant. Il est courageux, vous voyez. Tu vois, non, mais c'est dingue, quoi. Je veux dire, c'est le voilà. C'est-à-dire que maintenant, le travail dissimulé au profit du patronat, c'est devenu éthique grâce à l'aide de l'extrême gauche. J'applaudis. Je veux dire, j'applaudis. C'est le progrès, quoi. Ok. Bon. C'est le retour de l'esclavage, un peu, non? Quand même. De manière déguisée, oui. Parce que le problème, c'est que c'est chez nous. Quoi. C'est pas terrible. Non, mais c'est clair que c'est ce qu'avait dit Delevoye par rapport aux retraites il y a un an. Parce que Delevoye avait été mandaté par Macron pour piloter la réforme des retraites qui est toujours en attente, parce que comme vous le savez, les finances françaises sont dans un état catastrophique, et ça ne s'est pas amélioré depuis, ça va encore s'aggraver considérablement pour des raisons que vous connaissez. Et donc la question c'était, il va y avoir de plus en plus de retraités, mais pour des revenus fiscaux de plus en plus maigres. Donc comment on va faire ? Et là, Delevoye, qui était en banlieue parisienne, avait déclaré face caméra, devant un auditoire composé essentiellement de personnes issues de l'immigration, comme on dit dans les médias, que la France et l'Europe avaient besoin de 50 millions d'immigrés dans les 30 ans. Alors, quand il dit 50 millions, il faut comprendre 100. D'accord ? À l'échelle de l'Europe. C'est ça le projet des élites. D'accord ? C'est pour ça qu'il était mandaté, d'ailleurs. Sa mission s'était courtée parce que le type touchait 4, je crois qu'il avait 14 revenus différents. c'était un cumulard pas possible. Enfin, c'était absolument. C'était tellement flagrant qu'il a dû se retirer. Mais il a quand même sorti ça face caméra. Et on l'avait cité d'ailleurs sur démocratie participative. Donc ces gens-là, ils ont un plan à long terme. D'accord, ils ont un plan à long terme, ils ont la vision macroéconomique. Ce sont des gens qui n'ont pour fidélité que leur propre appétit pour le fric, d'accord, et pour le pouvoir. Et s'il s'agit d'importer 15 millions de nègres hébétés à 59 de QI au cœur de la France, y compris dans les parties les plus rurales du pays, ils le feront sans le moindre scrupule, comme ils l'ont fait jusqu'à présent. Et c'est ce qu'avait exprimé Delevoye. Et ce genre d'opération-là, où on monte ça en épingle, comme je le dis, où on en fait des caisses sur le migrant héroïque qui veut réussir, etc., ce qui fait un carton chez les rombières Facebook, en réalité, c'est pour acclimater les gens au fait que des divisions entières de nègres vont arriver. Les commandes sont passées, elles ont été passées à l'Élysée, elles ont été passées à Bercy, d'accord ? Les ambassades travaillent, la logistique est en place, les associations marxistes subventionnées avec l'argent des Blancs touchent, d'accord ? Ça y est, c'est parti. Et comme de temps en temps, quand même, comme ils sentent que ça résiste un peu, hop, on fait une petite campagne pour exciter les femmes blanches ménopausées sur ce type de cas, pour faire fermer leur gueule à leurs maris qui ont tendance à vouloir voter Rassemblement National, et ben voilà, on pousse. Voilà. C'est clair comme de l'eau de roche. Et du coup, quand tu parles de traite négrière, c'est ça. C'est exactement ça. Ni plus. Alors oui, on leur donne un petit truc, quoi. Voilà, bon, ça va, on leur donne un petit salaire, etc. C'est peut-être pire parce que le prolétaire blanc, si vous voulez, maintenant se retrouve non seulement en compétition économique, pour ceux qui ont évidemment pas beaucoup de qualifications, mais surtout ces gens-là vont voter, donc ils auront les mêmes droits politiques qu'eux. Donc c'est une traite négrière d'une certaine façon, mais c'est aussi la traite des blancs. D'accord ? C'est ça qui se passe. Et j'associe en plus à ça, évidemment, toute l'agitation raciale qui est faite contre les petits blancs par les médias, notamment avec des agents comme Assa Traoré, qui, je le rappelle, a été une salariée de Rothschild. Ce qu'elle a elle-même sucré dans sa biographie. Elle a écrit une biographie, vous le croirez ou vous le croirez pas. Enfin, elle a écrit. Peut-être qu'elle a eu un nègre. Probablement, oui. Donc voilà. Mais c'est-à-dire, pour éviter que le petit peuple blanc se révolte, on l'accuse, on stipendie comme ça des émeutières d'Afrique, du Mali en plus. Et pendant ce temps-là, vous voyez, les fils de la paysannerie française, ou parce que généralement c'est ça, la paysannerie française ou des zones rurales françaises qui s'engagent dans l'armée parce qu'ils n'ont pas trop de débouchés, ils se retrouvent à se battre au Mali pour essayer de maintenir cette fiction de pays, quel Mali, quoi. Pour qu'une espèce de roi nègre qui est en cheville avec Macron puisse faire semblant de régner sur son pays de nègre, quoi. Voilà. Donc ces mecs-là se font plomber là-bas, pendant que des négresses du Mali comme Assa Traoré sèment la terreur pour le compte des juifs en France, en intimidant les mêmes fils de la paysannerie française qui sont restés au pays. Vous comprenez la mécanique ? Voilà, c'est comme ça que ça marche. C'est tout. Voilà. Donc c'est de l'exploitation à 100%, dans les deux sens. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose ? Bon, on l'a dérivé, parce qu'on a commencé avec le l'exhibitionniste de Lille. Mais s'il est à Lille, il y a une raison. Et s'il n'est pas expulsé, il y a une raison. Et c'est des raisons, je les ai exposées. Quelqu'un veut-il dire quelque chose ? Non, mais je voulais... Ah, vas-y, pour... Je dis, souvenez-vous du cas qu'on avait traité la semaine dernière, hein, de ce maghrébin qui travaillait dans un service de livraison et qui a été expulsé parce qu'il n'a pas voulu livrer des juifs. Voilà. C'est vrai. Faut mettre les deux en parallèle. Allez, c'est clair. Non, je voulais juste dire, ça tout va dans le sens de la négrification, quoi qu'il arrive, de toute façon, parce qu'il y a un plan cosmopolite. Bon, après, ça, c'est pas... Ce que je dis, c'est pas spécialement original. Il y a un plan de mondialisation, donc société cosmopolite oblige, donc négrification à outrance, et peu importe les prétextes. Et c'est pour ça, quand tu vois sur des plateaux télé en juillet où on fait venir un mec de pseudo-droite, puis on lui dit « mais le grand emplacement, mais comment vous pouvez croire à ça ?» Le grand emplacement, non seulement il est effectif, parce que tu sors dehors, tu le vois, et c'est assez évident, mais c'est surtout que, enfin même depuis, par exemple, la reconnaissance du regroupement familial en 76, il me semble, je veux dire, c'était déjà pour augmenter l'immigration massivement. C'était pour combler le manque de natalité des Blancs. Donc, au lieu de choisir propagande nataliste, parce que c'est, enfin, je pense que c'est très simple à mettre en place, hein, et tous les médias, les films, les séries, tous ces trucs-là, non, on fait venir des nègres et on promeut le nègre. Et voilà. C'est plus fort que ça. On fait des politiques antinatalistes, on met l'avortement de masse. Oui, voilà. Ouais. Et ensuite, on se plaint qu'il n'y ait pas assez d'enfants. Avortement, contraception, homosexualité. Oui, exactement. Et tout est à l'avenant, je veux dire. On nous dit qu'on va avoir besoin de 50 000 immigrés pour payer les retraites. Et en même temps, on va nous dire « Ah ouais, non, mais c'est vrai qu'en France, le chômage, c'est vraiment un problème. Il va falloir lutter contre le chômage. » Mais on fait venir 50 000 mecs, alors qu'il y a du chômage. Ben voilà. Voilà. Cherchez un petit peu le problème, quoi. Il y a une priorité de négrification. Et en plus, c'est bon marché, paraît-il. Donc, à l'origine de cet article, quoi, c'est tout le monde veut son putain de nègre. Et voilà, en fait, le grand remplacement, non seulement il est effectif, mais il est également décrété officiellement, en fait. C'est ça qu'il faut répondre. Quand on parle de grand remplacement, c'est un fantasme. C'est, voilà. Surtout oui, que oui. Quand certains interviennent pour en parler du grand remplacement, généralement, on n'utilise pas ce terme-là. Et pour en parler de façon positive, là, personne ne nie que ça existe. Exactement. On est dans le double langage permanent. On justifie le remplacement d'un côté, puis de l'autre côté, quand c'est pour voir des fachos, ah non, mais il n'y en a pas. Qu'est-ce que vous délirez, vous, les mecs d'extrême droite, je sais pas quoi. Mais ouais, c'est exactement ça. On dit qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est aussi stupide qu'on est tous pareils et on est tous différents. Enfin, ça arrange d'un côté, puis on s'en éloigne de l'autre, quoi. Ouais, je voudrais revenir sur un point. Donc, il y a l'avortement, d'accord, c'est vrai que c'est un peu important, mais il y a la contraception en général, parce que, notamment la pilule avortive. D'ailleurs, j'ai un lien avec un gars, un médecin dont on a parlé il y a quelques temps, Joyeux, un professeur Joyeux, qui avait écrit deux livres sur la pilule et les effets négatifs chez la femme, en dehors du fait, évidemment, d'empêcher d'avoir des enfants, enfin, sur le coup, en tout cas. Ça crée tout un tas de soucis de santé et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles il est tant détesté, notamment par Michel Simmons. Ah oui, il y avait cette confrontation, effectivement, je me rappelle. Oui. Oui, bah en fait, oui, non, mais de toute façon, là, on paye les grandes orientations des boomers. Hein. Voilà, les orientations, elles ont été prises dans les années 60 et 70. Donc, une conception très hédoniste de la vie. Un égoïsme générationnel aussi, c'est-à-dire qu'on crée des systèmes socialisés, notamment de retraite, de santé, je l'ai déjà dit dans l'émission à plusieurs reprises, mais on ne se pose pas la question de la viabilité de ces systèmes entre générations, parce qu'on ne pose pas la question du nombre d'entrants dans le système et du nombre de sortants, c'est-à-dire du nombre de naissances et du nombre de morts. Et quand on entend des gens dire « oui, mais nos retraites », donc c'est les boomers qui parlent comme ça, les boomers, après avoir foutu en l'air la société, veulent un maximum de nègres pour bosser pour des patrons véreux afin de faire rentrer du cash dans la machine pour qu'ils puissent payer le niveau de vie en retraite auquel ils pensent avoir le droit et qui, croyez-moi bien, est très élevé. Dans le même temps, pour les jeunes actifs, quand je dis jeunes actifs, c'est les actifs en réalité, parce qu'il y a aussi une catégorie dont je parle assez peu finalement, c'est les 50, les gens qui ont une jeune cinquantaine, vous voyez, ça c'est les grands maudits du monde professionnel et du marché de l'emploi, comme on appelle ça, parce que c'est des types, si vous voulez, on les laisse sur le bord de la route quand ils sont licenciés, quoi. Et alors qu'ils peuvent encore faire énormément de choses à 50 ans, bien sûr. Et ces gens-là, si vous voulez, ils sont. Et puis il y a tous ceux qui sont en dessous, quoi. Mais plus vous descendez, plus c'est catastrophique. Et alors, vous êtes censé, et c'est ce qu'on vit, hein, vous êtes censé vous taper le tiers-monde dans vos rues, la kebabisation de vos rues pour payer des retraites à des fonctionnaires de l'éducation nationale qui ont passé leur vie à vous raconter de la merde pendant 20 ans quand vous étiez sur les bancs de l'école. Parce que c'est ça, en fait. Hein. Malheureusement, c'est très difficile pour quelqu'un en France de comprendre toute cette mécanique-là qu'on a brièvement passée en revue, quoi. Parce que tout est très confus, vous voyez, notamment quand on parle d'islam, vous voyez, on parle d'islam et on va se focaliser sur des questions religieuses, le Coran, pas le Coran, quel verset, etc. Alors que, moi je veux bien en parler d'islam tant qu'on voudra, quoi, mais il faut connecter les points les uns avec les autres, il faut voir que s'il y a de l'immigration de masse comme on la connaît, il y a des gens à qui ça bénéficie financièrement, économiquement, socialement, d'accord, il y en a qui en font du profit. D'accord ? Quand vous avez un patron qui vous dit « Moi, j'adore l'immigration clandestine », vous voyez, il dit pas ça comme ça, il dit « J'adore mon migrant », ben évidemment, mais c'est un patron, d'accord ? Il travaille pas au Resto du Cœur, le mec. C'est un patron, il est là pour faire du fric. Donc s'il aime son migrant clandestin, c'est parce qu'il lui fait rentrer du cash dans la caisse. Faut qu'on se comprenne, faut qu'on parle clair. Or, vous voyez maintenant, et ça fait partie du bouleversement des plaques tectoniques qui se déroulent sous nos yeux, c'est que vous voyez maintenant que la gauche, que l'extrême gauche, sert de service après-vente au patronat. C'est ça qui se passe sous nos yeux. D'accord ? Donc à la fois médiatiquement, et puis aussi au plan militant. Les mecs vous expliquent, c'est génial, quoi. Le patronat va se faire du blé avec des migrants clandestins, c'est super. Ça, c'est super. Il en faudrait plus, des patrons comme ça, quoi. OK ? Ça se déroule sous nos yeux. Et puis, il y a la question, comme je dis, des boomers, de tous ces systèmes socialisés qui sont en faillite. C'est pas moi qui l'invente, je veux dire. Regardez la dette publique française qui est en train d'exploser. Voilà. Mais les gros poissons du système se foutent totalement de savoir que la classe moyenne française va être complètement balayée dans les 10 ans. Ils s'en foutent. Ils n'en ont rien à foutre de savoir que leur niveau de vie va être divisé par deux. Ils s'en foutent totalement. Leur niveau de vie à eux ne sera pas divisé par deux. Hein. Pas du tout. Hein. Donc, c'est très clair. Ils ont fait un calcul très froid. Ils disent, voilà, on a besoin de combien de larbins ? Ah bah, il faut en venir tant de millions. Ah bah, on fait venir tant de millions. Puis c'est très simple. Ils donnent les consignes aux ambassades. On donne des tampons à tout le monde. On fait venir. Et voilà. Et à côté de ça, vous avez la classe moyenne blanche qui est en train de s'écrouler complètement. C'est précarité. C'est faillite, chômage sans aucune espèce d'espoir à l'horizon, ça va être 2021, ça va être 2022, ça va être 2023, ça va être un carnage. Ils vont enfumer les gens avec des subventions, rassurez-vous et tout. Non, regardez les chiffres les plus durs sur effectivement la sécurité sociale, sur les salaires, sur les embauches. Regardez ces chiffres-là, c'est là que ça se passe. Écoutez pas ce que racontent les politiciens, c'est des menteurs. C'est leur boulot, mentir. Donc n'écoutez pas ces gens-là, regardez les vrais chiffres. Regardez ce qui est prévu regarder les retraites, etc. Donc ça n'est pas possible. Le système ne peut pas tenir. Il y a des gens qui vont devoir se serrer la ceinture, mais pas qu'un peu. Hein. Et je peux déjà vous dire lesquels. C'est la classe moyenne blanche. Donc des gens qui ont entre 25 et un peu plus de 50 ans, qui bossent, et qui sont les pigeons intégraux du système. Tous les autres, ils ont des passe-droits, des privilèges, des systèmes parallèles pour s'en sortir. Vous voyez ? Et voilà, c'est tout. Et puis il y a aussi un truc que je veux souligner, c'est qu'à Bercy, au ministère des Finances, ils ne sont pas fous quand même. Ils voient bien qu'il y a toute une série de faillites qui va arriver. Et c'est extrêmement vicieux. Et s'ils mettent ça en avant, cette histoire de miracle du migrant travailleur, il faut voir un petit peu derrière ça, il faut creuser. Et là, on se rend compte que les mecs se disent que ce serait pas plus mal de pouvoir faire bosser des gens à 500 euros, vous voyez ? C'est-à-dire avec des salaires de type roumain, quoi. D'accord ? Et sauf que si tu dis ça à des ouvriers français, ou à des gens de la classe moyenne, ils vont se révolter. Il y aurait une révolution. Mais si tu peux faire venir des mecs d'Afrique, tu leur dis, hey, Mamadou, 500 euros pour toi, hein. Et puis en plus, regroupement familial, tu pourras faire venir ta famille, ça va être vachement bien, tu vois. Mamadou, il prend le boulot. Et pendant ce temps-là, le petit gaulois, tu vois, qui est précaire, qui enchaîne les CDD, tu vois, ou même qui est au chômage, lui, rien, quoi. Voilà. Et s'il n'est pas content, c'est pareil, parce qu'il y aura des centaines, des milliers de Mamadou qui attendront pour le remplacer. Donc le grand remplacement... Il reçoit le message. On lui dit, Coco, t'as intérêt un peu à baisser tes tarifs, et surtout à fermer ta gueule, hein, parce que si tu fermes pas ta gueule... Bah, t'auras pas le boulot, d'accord ? Et t'as 50 000 bonhommes qui sont prêts à te remplacer. Donc, va pas t'amuser à rouspéter, à te syndiquer ou que sais-je. C'est exactement ça. Ouais. L'immigration et l'armée de réserve du capital, Marx, sur ce point-là, il avait probablement raison. Il avait probablement raison sur ce point. Ça arrive à une horloge pétée d'avoir deux fois raison dans la journée. Hein. Mais. D'ailleurs, il faudrait peut-être inviter un peu plus d'extrémo-gauche à relire Marx, je sais pas. Pour le coup, sur ce point, je ne sais pas. Mais vous savez, l'austérité, quand on entend l'austérité, parce que là, on va rentrer dans la méga-austérité. Hein. Traditionnellement, c'était associé avec une hausse des impôts. Mais il y a différentes façons de faire de l'austérité. Notamment l'austérité salariale. Alors, les gens se disent, qu'est-ce que ça veut dire, l'austérité salariale ? Ça veut dire qu'on va bloquer mon salaire ? Oui, ça pourrait être ça. Mais en fait, grâce à l'immigration africaine de masse, vous n'avez même pas besoin de décréter une austérité salariale. Vous faites venir des larbins qui bosseront pour rien, et de facto, si vous voulez, vous êtes dans un mode d'austérité salariale. Sauf que pour ces gens-là, ce n'est pas de l'austérité, parce que dans leur bled, il n'y a rien. Ils arrivent en France, c'est de toute façon un peu mieux. Donc, pour eux, ça sera toujours bon. Vous comprenez ? Donc, cette mise en compétition des travailleurs français avec les allogènes ne va faire que s'intensifier, mais prendre des proportions absolument gigantesques. Et j'irais même jusqu'à dire que, parce qu'il y a quand même quelques millions de Maghrébins en France qui ont essayé de se faire leur trou, et qui ont réussi pour certains à faire leur trou. Faut pas rêver, hein, je veux dire, ils seront mangés à la même sauce que les autres. C'est-à-dire que ce qu'ils préparent ne va pas bénéficier aux immigrés d'ancienne date, vous voyez, les immigrés qui sont là, qui sont arrivés dans les années 60-70, quoi. Ceux-là, ils seront mis au même régime d'austérité rendu possible par cette immigration infinie, éternelle. Vous comprenez ? Donc, et grâce à l'arme de l'antiracisme, vous pouvez même parvenir à neutraliser, ce qui pourrait être une volonté qui pourrait émerger chez certains immigrés d'origine maghrébine, de troisième génération, qui diraient, là, avec votre immigration de masse, là, peut-être que ça ne va pas non plus me... Peut-être pas forcément me bénéficier tellement si ça continue à ce rythme-là. Mais grâce à l'antiracisme, par réflexe communautaire aussi, notamment au plan islamique, etc., bah, les mecs se solidarisent des nouveaux venus, mais au plan économique et social, en réalité, ils sont perdants. Et ils seront de plus en plus perdants, comme les Gaulois sont perdants. C'est évident, quoi. Et pour moi, ce qu'on a vu ces 40 dernières années au ralenti, là, on va le voir en accéléré, quoi. On va le voir en accéléré. Quand Delevoye a dit « on a besoin de 50 millions d'immigrés dans les 30 ans », en sachant que c'était une estimation conservatrice, faites le calcul, hein, c'est le torrent, quoi. C'est le torrent. C'est ce qui me choque, je crois, c'est l'absence de volonté révolutionnaire encore aujourd'hui en France. Ça, je ne comprends pas. Dans les autres pays aussi, puisqu'on est tous mis au même régime. Mais c'est probablement ça qui me trouble le plus. Pour moi, j'ai une explication très simple par rapport à ça, Gandalf, c'est que les Français, c'est la merde. C'est la merde, et on sait que dans 5 ans, ça va être la merde, dans 10 ans, ça va être la merde. Encore pire. Mais le problème, c'est qu'on nous parle de revenus universels, que c'est la merde, mais les Français ne meurent pas de faim, d'accord ? Ils ne meurent pas de faim. Et ils ont Uber Eats, ils ont le porno, ils ont le chauffage quand même l'hiver, d'accord ? Encore un peu, ça a peut-être changé. Et ils sont quand même pas assez dans la merde. C'est souvent comme ça que démarrent les révolutions, c'est quand il y a vraiment le chaos qui s'installe autour. Pour l'instant, bah, c'est pas joyeux, mais ça se tient encore. Donc, tant que les ventres seront pleins, c'est ce que je pense. Hein. Ça, c'est vraiment, s'il y a un truc pour me définir, moi, c'est, ça peut être que cette phrase. Tant que les ventes seront pleins, que les frigos seront pleins, il ne peut pas avoir de processus révolutionnaire enclenché. C'est vraiment ce que je pense au fond de mon cœur. Hein. Oui, quand tu les vois brandir cette histoire de revenu universel qui est discutée hein, au Parlement français, hein, c'est pas ce qui a été pendant il y a encore quelques années, c'était une idée qui était comme ça agitée par vraiment la gauche radicale quoi. Et maintenant, c'est repris même par la droite affairiste au Parlement, par les Républicains qui disent que c'est pas une si mauvaise idée, etc. Les consignes viennent de très haut. Par les grands cercles globalistes qui pilotent tout ça. Et quand ils disent ça, ça rejoint ce que tu dis. Ils disent, finalement, parce qu'ils nous voient comme ça, ils nous voient vraiment comme des ilotes, comme la plèbe romaine. C'est exactement la même chose. Et bon, c'est la fameuse formule, bon, je n'ai pas la prétention de faire dans l'originalité, mais bon, Panem et Kirkenses... Donc du pain et des jeux, c'est ça. Donc oui, le niveau de vie va baisser drastiquement, mais les gens ils vont se démerder avec leur mauvaise charcuterie, leur binous dégueulasse. Ils auront j'ai quand pas même... de boulot, mais il y a un bon film sur Netflix. Bon, allez, et ouais, souris. C'est ça quoi. Et le problème c'est que tu perds une civilisation comme ça. Hein. Franchement, je pense qu'on en est là. Hein. Moi, pour moi, la civilisation européenne est sur le point d'être anéantie. Hein. En Europe de l'Ouest, en tout cas. On est à l'extrême limite. À l'extrême limite. Donc, c'est la phase ultime de la démocratie. Quoi, hein. C'est quand t'as des oligarques qui règnent sur une plèbe volontairement transformée en pourceau. Hein. Sur une bauge, quoi. Et on en est là, hein. Ça durera pas toujours, ceci étant dit. J'identifie. Moi, c'est aussi ma deuxième conviction, c'est que on a pointé dans cette discussion beaucoup de contradictions que transporte en fait le système actuel, et ce système ne peut que s'effondrer sous le poids de ces contradictions. Alors qui, quoi, comment, pourquoi, moi j'ai pas de boule de cristal, je saurais pas vous dire, d'accord. Mais ça arrivera tôt ou tard. J'espère plutôt tôt que tard. Alors messieurs, je vous propose de passer à la rubrique numéro 3, dystopie. On a bien entamé la discussion au fond, même si on était parti sur un autre sujet, mais tout est lié. Et là, en fait, on va parler tout simplement du troisième confinement en un an, puisque le premier avait eu lieu en mars 2020. On approche de février 2021. J'allais dire qu'un premier cycle s'achève, un deuxième va probablement commencer, et on va le commencer, enfin, à la jonction va se trouver donc ce troisième confinement. C'est le média entreprendre.fr qui nous dit ceci, je vous lis ça. Longtemps repoussée par l'exécutif, la décision d'un troisième confinement général pourrait être annoncée au début du mois de février par Emmanuel Macron. Ce nouveau confinement pourrait débuter le 15 février et durer au moins 4 semaines. Selon un proche de Jean Castex, le Premier ministre sait que seul un confinement général pourrait mettre un coup d'arrêt à la pandémie. Dans le cas contraire, les restaurants et les bars ne pourront sans doute pas ouvrir avant l'été. Et encore, dans le meilleur des cas. Vous vous rendez compte où on en est arrivé? Vous rendez compte, on ferme des bars pendant un an et c'est le meilleur des cas, nous disent-ils. Malgré le port des masques et l'adoption des gestes barrières pour la plupart des Français, la pandémie de Covid-19 suit une courbe ascendante. Le couvre-feu national, d'abord fixé à 20h puis à 18h, ne parvient pas à diminuer le nombre de cas positifs. 24 000 nouveaux cas pour la seule journée d'hier, donc ça c'était cette semaine. Plusieurs modélisations concernant l'évolution de la crise sanitaire en France sont à l'étude au ministère de la Santé comme à Matignon. L'impact du variant britannique du Covid-19 est tel que celui-ci devrait être largement dominant en France dès la fin du mois de février. Conséquence, selon ces modélisations, le pic des hospitalisations en mars et avril pourrait dépasser celui enregistré à la veille du premier confinement. Mercredi soir, les services du Premier ministre ont contacté la rédaction d'Entreprendre pour démentir formellement l'information selon laquelle un nouveau confinement général aurait été décidé par l'exécutif. Nous maintenons nos informations. Insiste donc le média entreprendre.fr. Alors, messieurs, bon, j'ai expliqué, on a expliqué dans plusieurs émissions les raisons réelles du confinement. Les raisons économiques, c'est une, j'ai déjà dit, c'est le plus grand transfert de richesse des classes moyennes vers l'oligarchie qui nous contrôle. Pas besoin d'y revenir. Mais qu'est-ce que vous pensez de ce troisième confinement, vous, au plan purement personnel ? Comment vous allez le vivre ? Comment vous voyez ça ? Bah pour le deuxième, je suis plus concentré sur le boulot déjà, donc bon. Puis j'ai pu, on a pu faire deux trois sorties quand même, mais j'ai tenu le coup pour le deuxième, mais si le troisième, enfin s'il y en a un troisième déjà, parce que déjà là la sortie du deuxième, bon, j'ai passé le cap. Bon, il y a encore un couvre-feu. Bon, là il est accentué à 18h en France. Là je commence à en avoir plein le cul, mais comme tout le monde je pense. Putain, s'ils en refoutent un troisième confinement et qu'il est aussi serré que le deuxième, enfin, voire même pire comme le troisième, là, ça va être insoutenable. Ça va être clairement insoutenable. Peut-être qu'il y aura un petit sursaut de la population, je sais pas. Peut-être qu'il y aura des manifs, parce que ça, là, c'est vraiment abusif, quoi. Moi, franchement, je sais pas trop comment je vais réagir, mais on verra bien, quoi. Mais il commence à y en avoir plein le cul, clairement. Les gens autour de toi, tu sens que... Est-ce qu'ils parlent même du troisième confinement autour de toi ? Est-ce que t'en as entendu parler ? Parce que moi, je citais des médias qui font des révélations, mais est-ce que les gens que tu fréquentes au quotidien, là, je parle peut-être de collègues de boulot, même pas des gens que tu fréquentes régulièrement, enfin, ceux que tu croises au boulot, quand t'écoutes leurs conversations, comme ça, est-ce qu'ils en parlent ? Est-ce qu'ils sont même au courant que ça couve ? Non, j'ai pas encore entendu parler de troisième confinement. On entendait parler de troisième confinement, mais en fait, ils nous ont mis un couvre-feu jusqu'à 18h. Donc les gens, avant que ça n'arrive, du coup, ils en parlaient un peu, quoi. Les gens en avaient clairement plein le cul. Comme j'ai déjà dû le dire, ça ronchonnait, quoi. Mais ça remet pas en cause, dans l'esprit des gens qui en parlent, ça remet pas en cause la crédibilité de l'épidémie, quoi. Pour eux, c'est des mesures qui sont, même s'ils sont abusives, elles sont quand même bienveillantes. Enfin, pour eux, il y a une vraie maladie à éviter, quoi. Je sais pas trop. Enfin, là, c'est vraiment dans mon entourage proche, surtout au niveau professionnel, parce que malheureusement, je peux pas trop sortir voir les potes ou autres, mais ouais, dans le milieu professionnel, ça spécule un peu, quoi. Enfin, ça spéculait sur le troisième confinement, comme je viens de dire. Les gens en ont un peu marre. C'est sous cet angle-là, quoi, que c'est perçu, quoi. Bon, je sais pas si les Français vont vraiment s'agacer. Ouais, je comprends. Au point de violer un couvre-feu. Pas mal. Qui d'autre sur le troisième confinement qui s'annonce là ? Macron a nié d'ailleurs vouloir prendre la parole cette semaine, mais bon, c'est faire durer le suspense, hein. Je veux dire, ça sera, si c'est pas maintenant, ça sera début février ou voilà. Comment vous voyez là, un troisième confinement en ce qui vous concerne ? Bah oui, une des grandes interrogations, c'est est-ce qu'il laisse ouvert les écoles, si oui lesquelles, parce que si les écoles restent ouvertes, bon, bah, même si c'est une sorte de garderie, ça permettrait aux parents de continuer à travailler dans des bureaux, dans des usines, que sais-je. Donc le mot est quand même employé, je pense qu'ils vont quand même garder ce mot, puisqu'ils cherchent à tout prix à nous faire croire que la situation est anormale pour continuer à nous maintenir dans la terreur. La terreur, ça peut laisser la place à l'agacement aussi, ou à la révolte, c'est également possible. Mais en tout cas, oui, ce sera aussi un autre moyen de nous faire culpabiliser, de nous dire, regardez, ceux qui veulent pas se faire vacciner, vous êtes des salauds, vous empêchez la vie normale de reprendre, tout ça. Ouais, parce que souvent, ils mettent les deux en parallèle, hein. Olivier Véran a dit qu'il a fait plusieurs sorties sur vaccination. Il a dit à un moment donné que ce serait pas possible de vacciner tout le monde, tous les ce qu'il a appelé les gens fragiles, d'ici à l'été. Puis après, le lendemain, il a dit sur un autre plateau de télé qu'il voulait qu'il y ait 70 millions de Français. Alors, la population française a augmenté d'un coup. 70 millions de Français vaccinés d'ici l'été. Donc, le gars dit une chose et son contraire. On est ballotté d'informations contradictoires en informations contradictoires, mais avec toujours l'idée que la situation est anormale, alors que finalement, bon, les gens ne meurent pas non plus. Enfin, on a déjà parlé tellement souvent, mais c'est pas le choléra. C'est-à-dire que les gens, ils sont quand même pétris de contradictions. Hein. Parce qu'on les interroge, on leur dit, bon, s'il y a un troisième, ce sera sûr. Mais voilà, après, c'est fini, parce que... Selon vous, il y a le vaccin, donc le vaccin va tout résoudre. Ah oui, mais bon, voilà, on ne sait jamais, hein, le vaccin, il est possible, c'est ce qu'ils nous disent. Bah, dans ce cas-là, pourquoi vous faites vacciner? Quel est l'intérêt? Si ça ne stoppe pas les confinements, ça ne stoppe pas le virus. Il faut choisir. Ah oui, le vaccin est censé tout résoudre. Hein, Et puis on va découvrir, enfin les gens vont découvrir que non, il y aura des mutations, etc. Et que le passeport sanitaire, et que ceci, et que cela, et que les mesures de... D'ailleurs, c'est ce que j'ai entendu, hein, je veux dire, parmi les principales autorités sanitaires qui affirment sans embâge hein, que vaccination ou pas vaccination, de toute façon, toutes les mesures adoptées actuellement ont vocation à être pérennisées. D'accord, donc en fait, on endort les gens hein, pour organiser le contrôle complet des populations. De la même façon pour les bars, vous avez vu, là on en est, oui, Pâques, avril, quoi, hein, mois d'avril, et puis ensuite, ça c'est pour les restaurants. Pour les bars, on dit oui, le mois de juin, et puis en fait, bar, restaurant, bon, ça va être prorogé jusqu'en juin, et puis peut-être on va les laisser ouvrir un peu en juillet, etc. Mais ouais, je veux dire, combien de bars vont tenir? Enfin, je veux dire, c'est... faut être sérieux. Je veux dire, combien de bars peuvent tenir fermés un an et demi, deux ans? Enfin, ça n'a pas de sens, quoi. Je veux dire. Donc, on sait que voilà, ça va être une destruction énorme. Et pour ne parler que de ça, quoi. Donc voilà, le projet continue. Le projet continue. Oui, puis il y aura la question de l'arrêt des aides aussi, puisque. Justement, ils maintiennent la situation de façon artificielle, hein, on l'a déjà expliqué, mais pendant un an ou deux, donc comme tu dis, et puis donc, dans un premier temps, les aides sont possibles, et puis après, ils diront, ah oui, mais regardez, on a tout fait pendant deux ans, on a vraiment voulu tout maintenir, mais regardez, là maintenant, on est obligé de faire des choix budgétaires, donc on est obligé de laisser tomber, et puis pendant ce temps, certains auront cherché à vendre leur affaire, ou auront cherché un autre projet professionnel, ou se seront foutus en l'air, ou que sais-je. Mais en tout cas, oui, le monde tel qu'on l'a connu, des petits tissus économiques avec les petits magasins, les petits restaurants, etc., les petits bars, bon, ben c'est la fin. Quand même. Je vois pas comment ça pourrait repartir. Et ce qui est vraiment pénible dans cette situation, c'est qu'imaginons, la mercredi, un nouveau confinement est annoncé, d'accord? Ce qui est tout à fait possible. Hein. Ça serait vraiment annoncé à l'arrache, quoi. C'est-à-dire que tu as un confinement qui est annoncé le mercredi, donc généralement il est effectif pour le week-end qui arrive. Les gens ne sont même pas prévenus à l'avance. Vous vous rendez compte de... Enfin, ça bouleverse toute une vie, quoi. Surtout pour toutes les personnes qui n'ont pas le statut de salarié, par exemple. Enfin, là, ça change tout, ça change tout. C'est le genre de décision où, au pire, tu l'annonces à l'avance. Voilà. Je te dis, voilà, peut-être qu'on en fait trop, j'en sais rien, mais on... Au moins, on vous l'annonce à l'avance, vous avez le temps de vous préparer. Là, c'est démerdez-vous, quoi. Du jour au lendemain, changez toute votre vie, et c'est pas notre problème. Hein. Ouais. Alors, messieurs, je vous propose de faire une pause. Ah oui, quelqu'un veut rajouter quelque chose? Ouais, je voulais juste dire que là où je suis, en agglomération, strictement, tout le monde met le masque, malgré tout, malgré les critiques et tout. Tout le monde a le masque, hein, les bougnous, les nègres, mais tout le monde. Et moi, ce que je fais, c'est que je sors et que je mets jamais mon masque. Et je peux me le permettre parce que vu que les gens respectent à fond le confinement dans la rue, pas le confinement, les mesures du masque, en tout cas, en fait, je croise strictement jamais de flics. Donc moi, je peux me balader. Moi, je le fais toujours. Hein, je sors sans masque. Je regarde un peu les gens. Des fois, je passe à côté des boomers. Je fais semblant de tousser, genre comme ça. Puis je les regarde vraiment les frôlant et je vois les mecs me regarder dans les yeux. Alors moi, je fixe devant moi, mais je les vois en coin tourner la tête vers moi, dédaigneux comme c'est pas permis. Du coup, moi, je m'amuse à ça. Je vais un peu partout, en centre-ville, sans masque. Et au cas où, j'ai une petite astuce. Je mets toujours un masque pété en fait, avec une lanière pétée sur le côté. Je la mets dans la poche, comme ça, si au cas où il y a un flic qui se ramène vers moi, je sors mon masque, je leur dis excusez-moi monsieur, j'ai pas mon masque parce qu'il vient de casser. Et puis de l'autre côté, dans mon autre poche, je mets un masque valable pour pouvoir rentrer dans les boutiques, les trucs comme ça. Et comme ça, je suis peinard en fait. Donc comme ça, je peux encore respirer malgré les mesures. Ouais, petite remarque aussi, est-ce que vous avez vu que l'Académie de médecine recommande de se taire dans le métro ? C'est-à-dire que vous avez le masque, vous êtes dans le métro, et ce serait bien pour éviter la contamination de fermer sa gueule, tout simplement. Parce que les postillons pour aller au-delà du truc. Non, c'est le Parisien, tout ça, on relayait cette info. Non, mais qu'est-ce qu'il faut aux gens aussi ? Ils comprennent pas. Là, c'est l'humiliation il y a un an. Ah non, mais là, on est, je veux dire. Non, mais si les gens, ils acceptent ça, je veux dire, voilà. Au moins, si on peut éviter d'entendre les nègres au téléphone en train d'hurler juste à deux pas. Alors là, tu vois, pour un avantage. J'ai un peu envie de te dire que l'Académie de médecine pêche par excès d'ambition, là, quand même. Hein. Je crois pas que les nègres vont arrêter d'hurler au téléphone. Je crois pas. Putain. Non, mais c'est bien d'avoir de l'ambition dans la vie. C'est bien, il en faut. Mais à l'Académie de médecine, là, ils en ont un petit peu trop. À moins qu'ils aient totalement sorti, en fait, les nègres de leur équation, ce qui est très probable aussi, d'ailleurs. Ah, attends, c'est des médecins, hein, c'est pas des vétérinaires aussi. Hein. C'est pas faux. On appelle ça des singes hurleurs, attention. Hein. Voilà, bon messieurs, on va faire une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de Démocratie Participative. Yeah. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 6, épisode numéro 4. Alors, avant de commencer l'émission, je voulais, de commencer la deuxième partie de l'émission, je voulais annoncer à nos auditeurs que nous avons la semaine prochaine une émission spéciale avec un invité exceptionnel, en la personne de Vincent Renoir, qui nous fera le plaisir d'être avec nous pendant une émission complète. Vous serez invité à poser des questions à Vincent via Europe Écologie Les Brins. D'accord. Alors l'émission est enregistrée le dimanche, donc un sujet spécial sera créé sur le forum avant de débuter l'émission pour que les questions se posent et on en sélectionnera un certain nombre pour que vous puissiez les poser à Vincent, qui se fera bien évidemment un plaisir d'y répondre. Donc ce sera une émission vraiment exceptionnelle, un format tout à fait à part, bien évidemment, pour célébrer le 30 janvier, hein, qui est un jour très important, comme vous le savez, pour nous tous. Réfléchissez-y, est-ce que vous avez des questions spéciales sur des points d'histoire en particulier? Est-ce que vous avez des questions à poser à Vincent? Ça me semble évident que oui, mais peut-être vous devriez trouver des questions qu'il n'a pas encore abordées dans ses vidéos, peut-être, ou l'interroger sur des aspects qu'il n'a peut-être jamais évoqués publiquement, pas bien évidemment dans sa vie privée, mais en tant qu'historien révisionniste, en tant que quelqu'un quand même qui milite depuis 30 ans pour la vérité historique, au contact d'autres révisionnistes, je pense un certain nombre de noms très éminents, bon évidemment Robert Forisson et tant d'autres, donc n'hésitez pas, hein, voilà, brainstorming, dimanche prochain vous êtes pris, vous êtes sur Europe Écologie Les Brins et vous allez poser des questions à Vincent et vous aurez les réponses à vos questions sur, durant l'émission, c'est un format qu'on veut, interactif pour faire un peu participer nos auditeurs aussi. Il faut qu'il y ait une espèce de dialogue comme ça qui se crée, ça peut être intéressant. Normalement, Vincent devrait, cette année, en début d'année 2021, en tout cas premier trimestre, me semble-t-il, devrait publier un livre qui résume 30 ans de travaux relatifs donc, au mythe de l'Holocauste. Donc voilà. L'annonce est faite, spécial 30 janvier, évidemment. Donc ce sera une émission, je pense, où on sera quand même très en retrait. On va surtout solliciter Vincent, qui aura probablement beaucoup de choses à dire. D'autant que c'est un exilé qui aujourd'hui vit en Grande-Bretagne, comme vous le savez, depuis 5 ans, qui a personnellement payé au prix fort son engagement. Donc c'est quelqu'un qui mérite quand même qu'on le mette en avant pour qu'il diffuse son message. Voilà. Annonce est faite. Donc, préparez-vous, préparez vos questions. On vous attend la semaine prochaine. Voilà. Alors, messieurs, je vous propose de reprendre l'émission où nous l'avions laissée. Là, on va parler, évidemment, de ce qui s'est passé aux États-Unis, évidemment, la nouvelle présidence Biden. Alors, il y avait beaucoup de rumeurs avec QAnon. Vous avez suivi ça, de coup d'État, etc. Il n'en a rien été, bien évidemment. J'en dirai pas davantage. Les choses sont un peu plus nuancées que ça, nonobstant QAnon, mais ça n'a plus d'objet à ce stade, donc c'est pas la peine d'en parler. En revanche, je vais quand même vous faire un petit tour de table sur cette, sur la sortie de Trump, on va dire. Voilà, il a quitté la Maison Blanche, il n'est plus président. Sans faire un long développement, simplement, qu'est-ce que vous voulez juste me dire? Voilà, 4 ans de présidence Trump sont terminés, la présidence Biden arrive, on va avoir une musique médiatique très différente, à mon avis. Hein, je pense qu'on va pas tarder à nous expliquer que Biden est sur le point de traverser la mer Rouge à pied. À mon avis, ce genre de choses devrait pas tarder à faire surface dans les médias français. qu'est-ce que vous voulez me dire C'est une bonne perche, Gandalf. Hein. Vas-y, ouais. Vous savez que moi, j'aime bien raconter mes anecdotes quand j'écoute la radio d'État France Info, quand je prends ma douche. Et donc, j'étais très content parce que, bien sûr, le méchant nazi suprémaciste blanc Donald Trump n'est plus à la Maison-Blanche. Et Biden, qui est un gentil progressiste qui va nous sauver du coronavirus et la discrimination, du racisme, de mon cul, et là, le grand sauveur. Voilà. Et donc, j'ai eu l'opportunité d'écouter sur France Info une journaliste qui faisait l'éloge de ce personnage politique sans aucune retenue. C'était dégoûtant. J'avais vraiment envie de vomir. Ces gens ne se cachent même plus quand ils font de la propagande, d'ailleurs. Puis ça a duré longtemps, en plus. Hein. Ça a duré, y a des flashs de France Info, je crois que c'est tous les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Je crois qu'elle a pris toute la rubrique pour dire à quel point c'était Superman, finalement. Et avec beaucoup de condescendance, en fait, pour tous les gens, les prolos qui ont voté pour ce salaud de Donald Trump. Donc, quelque part, est-ce que c'est pas les salauds, eux aussi? Est-ce qu'il faut pas rééduquer ces gens? Je crois que des termes comme ça ont été employés. Pas le terme rééducation, mais en tout cas, la pédagogie, ils aiment bien ce mot-là. Et à la fin, oui. Écoutez, merci pour votre intervention. Donc là, la journaliste, la présentatrice rappelle le pédigré de cette nana qui s'appelait donc Esther. Donc merci Esther d'avoir fait l'éloge de Joe Biden. Ah bah c'est bien que tu me parles d'Esther, on va pouvoir aller directement vers Israël. Toujours en relation donc avec la présidence Trump. Alors quand même, je suis bien obligé d'être honnête, hein. Bon, moi j'ai souhaité quand même je souhaitais la victoire de Donald Trump. Non pas pour les choses qu'il pourrait faire, mais pour les choses qu'il pourrait empêcher, notamment au plan vis-à-vis du grand projet de Great Reset, de confinement généralisé, de soutien à l'OMS, etc. Bon, bah, ça sera pas le cas. Mais vous savez que, quand même, on a été assez nuancé sur ce qu'il a fait, quand même, sur toute une série de choses. Et je crois que le dernier acte qu'il a posé est vraiment calamiteux, quoi. Ça pose quand même les limites du personnage. Et l'honnêteté commande que je le cite. Alors, c'est The Times of Israel qui cite ça. Le président américain Donald Trump a gracié 73 personnes et commué les peines de 70 autres personnes dans les dernières heures de son mandat mercredi. La liste comprenait plusieurs condamnés juifs ainsi qu'Aviem Sela, un des meilleurs pilotes de l'ère israélienne, qui était le recruteur et l'opérateur de l'espion Jonathan Pollard, qui espionnait donc les États-Unis dans les années 80. Sela s'est enfui en Israël quelques jours avant que Pollard ne soit arrêté devant l'ambassade israélienne à Washington. Donc, il a été inculpé d'espionnage en 1987, mais n'a jamais été extradé. Ancien pilote de chasse ayant participé à l'attaque du réacteur nucléaire de Saddam Hussein en 1981, qui avait été fourni par la France d'ailleurs. Sela a commencé à travailler pour l'agence de renseignement du Mossad au début des années 80 et a reçu certains des documents top secrets fournis par Pollard. Il est resté très impliqué dans l'affaire, bien qu'il n'ait pas dirigé Pollard pendant la plus grande partie de son activité d'espionnage, contre l'Amérique bien entendu. La Maison-Blanche a déclaré que la demande de clémence de Sela était soutenue par le Premier ministre Benjamin Netanyahou, l'ambassadeur israélien aux États-Unis Ron Dermer, l'ambassadeur américain en Israël David Friedman et Myriam Adelzone, l'épouse du donateur conservateur Sheldon Adelzone, décédée la semaine dernière. Donc c'était un juif extrêmement puissant, un milliardaire qui finançait à coffre ouvert Donald Trump. Hein. L'État d'Israël a présenté des excuses complètes et sans équivoque et a demandé la grâce afin de clore ce chapitre malheureux des relations américano-israéliennes, a déclaré la Maison-Blanche. Pollard, qui a été libéré de prison en 2015, a récemment été autorisé à s'installer en Israël. Donc là, c'est Donald Trump aussi qui est intervenu en sa faveur, après que ses restrictions de libération conditionnelle n'aient pas été renouvelées par le ministère américain de la Justice. Dans une déclaration mercredi, Pollard et sa femme Esther... Tiens, ça fait le lien, comme je te disais, Pierrot. Se sont dit très heureux de cette décision, ajoutant qu'elle met fin aux blessures saignantes de l'affaire après 35 ans. Nous souhaitons bonne chance à Aviem, ont-ils ajouté. Après tant d'années de souffrance, Esther et moi voulons nous concentrer uniquement sur l'avenir plutôt que sur les blessures du passé. Elliot Broidy, allié de la femme de Trump et collecteur de fonds juifs républicains, a également été gracié. Il a plaidé coupable l'automne dernier d'avoir fait pression sur la Maison-Blanche pour qu'elle abandonne une enquête sur le pillage d'un fonds d'investissement malaisien. Et Ken Curson, un ami et ancien collègue du gendre de Trump, Jared Kushner, qui a été accusé en octobre dernier de cyberharcèlement lors d'un divorce houleux. Trump a également gracié et commué les peines de plusieurs hommes d'affaires juifs emprisonnés pour des crimes en col blanc, dont Shalom Weiss et le comploteur de Ponzi Eliyahu Weinstein, entre autres choses, hein, et, bon, pour une somme de 200 millions de dollars. Figure également sur la liste le marchand et collectionneur d'art new-yorkais Hillel Namad, condamné pour jeu d'argent, et Noah Kleinman, emprisonné pour délits liés à la marijuana. Une commutation des peines a été accordée au rappeur. Ah oui, il y a eu un rappeur aussi, Bill Capri, mais pas n'importe lequel, c'est un nègre, d'accord, Bill Capri, connu sous le nom de Kodak Black, qui s'identifie comme juif, même s'il ne s'est pas converti. Voilà, donc c'était un nègre, mais il a eu le pass parce qu'il se disait juif. Bon, fallait quand même... Est-ce que c'est les mêmes nègres qui se pensent descendants des Hébreux, comme les Hébreux? Je pense que oui. Ouais, je pense que c'est la même veine. Hein. Ouais. Hein. Les Hébreux israélites, ouais, c'est ça. Hein. Bon, voilà. Donc, Donald Trump, avant de quitter la Maison-Blanche, in extreme, dans les dernières heures, il a quand même libéré, on rappelle, des escrocs juifs, des espions israéliens qui ont agi contre l'Amérique, et enfin, un rappeur nègre au motif qu'il se déclare juif. Bon, voilà, j'en resterai là pour ma part. J'ai pas envie de tirer sur une ambulance, mais disons que bon, c'est quand même pitoyable, hein, faut bien le dire. Quelqu'un veut-il réagir à ça? Ah bah oui. Vas-y. Ben moi, je suis stupéfait. Je pensais qu'il allait gracier des néo-nazis, des gens accusés de racisme, pourquoi pas des policiers qui ont assassiné des Noirs, je comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? On m'aurait menti? Oui, c'est curieux, effectivement. T'as raison de le souligner. C'est très curieux que... Oui, non, c'est très étonnant que finalement, il n'y ait que les Juifs qui aient et des Noirs qui aient bénéficié des grâces de Trump. Le dernier jour, en plus. Il aurait pu se dire, bon, bah, c'est bon, foutu pour foutu, je fais ce que je veux, quoi. Non. Non, mais c'est le genre de petits moments, tu vois, des petits moments de chaos où on peut vérifier un petit peu où vont les allégeances, où vont les sympathies. Bon, bah, clairement pas à l'extrême droite. Hein. Bon, voilà. Ce Trump n'a jamais été réellement de notre côté, hein, même s'il a envoyé des signaux pendant la campagne. Mais le propre d'un homme politique en campagne, c'est qu'il envoie des signaux à tout ce qui peut gratter. Mais évidemment, ce gars-là n'a jamais été une solution en soi, hein. C'est évident. Les médias juifs auraient-ils exagéré le caractère raciste de Donald Trump? Je ne comprends pas bien ça. Quelque chose là à creuser. Mais médias juifs, exagération? Je ne vois pas le rapport. Alors, je veux quand même dire un truc, je veux quand même insister sur ce point, je veux dire, bon, Trump, ça n'a pas été que ça, hein. Je veux dire, il a essayé, il n'a pas réussi sur toute une série de sujets. En politique internationale, ça a été très incohérent, parce qu'il y avait en même temps une politique de restreinte vis-à-vis de la Russie, de volonté de ne pas intervenir militairement au Moyen-Orient, et en fait, on s'est retrouvé toujours sous l'influence des extrémistes juifs, qui consistait l'essentiel de son entourage, en fait, hein, notamment à cause de Jared Kushner, qui est un juif orthodoxe, donc qui est un extrémiste religieux, qui a une conception raciale et eschatologique du monde, hein, comme tous les juifs religieux, et qui, enfin, ça c'est très clair, enfin, ils se cachent pas, hein, pour eux, le monde doit être gouverné par la race juive, c'est un privilège de droit divin qui doit être réalisé par leur activisme révolutionnaire, et donc, ils ont quand même réussi à entraîner Trump dans cette politique absolument folle, face à l'Iran, d'embargo, pour les faire capituler sur un programme nucléaire qu'ils n'avaient pas. puisqu'ils avaient négocié un accord avec l'administration de Barack Obama sur l'arrêt du programme militaire iranien. Et Trump, écoutant malheureusement à cause de sa fille hein, qui s'est mésalliée avec le juif Kouchner, s'est lancé dans cette politique absolument nihiliste et destructrice contre l'Iran plutôt que de chercher à l'apaisement et au calme, pour d'ailleurs n'obtenir strictement rien. C'est-à-dire que l'Iran aujourd'hui est beaucoup plus avancé sur son programme nucléaire qu'il ne l'était il y a 4 ans. Donc c'était écouter les extrémistes juifs de son entourage, et ça n'a rien produit. Mais il n'a pas engagé de conflit à proprement parler, encore que, je tiens quand même à dire, qu'il a envoyé l'armée américaine en Syrie pour la première fois. C'est lui qui l'a fait. Et donc, il a comme ça constamment, ce qui peut qualifier en fait la présence de Trump, finalement on peut quand même parler un peu de ça, puisqu'on peut faire un bilan maintenant qu'il a quitté la maison. Ce qui, moi, me frappe, c'est l'absence de stratégie. Aucune espèce de stratégie, aucune grande politique, des tentatives brouillonnes, des revirements extrêmement rapides. Ça m'a beaucoup, beaucoup marqué. Des hésitations très souvent, cédant très souvent à la pression médiatique, sous la pression de son entourage. On voyait bien voilà, que son entourage disait il faut pas faire ça, il faut faire comme si, et on voyait que hop, il se retournait. Et finalement, sa présidence, même s'il a quand même toute une série d'excuses très, très défendables à présenter, je veux dire, l'obstruction systématique de la magistrature rouge, évidemment, les puissances d'argent, etc. Mais quand même, c'est quelqu'un dont, en fait, si on se pose la question qui a bénéficié de la présidence Trump, il n'y a qu'une réponse possible. C'est l'État suprémaciste juif en Palestine. C'est la seule entité qui ait objectivement bénéficié de la présidence Trump. On parle maintenant de 40 milliards de dollars en cash convertibles en armement offerts, ponctionnés sur le dos des travailleurs américains. On parle évidemment de gestes symboliques qui restent essentiellement symboliques, mais qui sont quand même là, je veux dire, sur Jérusalem, sur l'annexion du plateau du Golan, sur l'intervention militaire américaine en Syrie, comme je l'ai dit, la politique agressive contre l'Iran totalement inutile, l'agitation aussi en Irak avec l'assassinat du général Soleimani, bon, une provocation encore totalement inutile pour courtiser les Juifs, toute une série comme ça d'actes qui n'ont pas empêché les Juifs de le poignarder dans tous les sens ces derniers mois, je veux dire, c'était visible, quoi. Alors, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose là-dessus, sur ce que j'ai dit, sur la présidence Trump, je veux dire, l'influence quand même juive extrêmement lourde, ou bien vous pensez que c'est clair, on peut passer à la chose suivante, c'est-à-dire à Biden, à son gouvernement. Biden, l'usurpateur. Oui, non, mais c'est vrai, hein, je veux dire, l'élection a été truquée. Elle a été truquée, la Cour suprême a refusé de s'exprimer. C'est ça, en fait, le cœur du problème. C'est qu'en fait, la Cour suprême aurait pu prendre le dossier, l'étudier et dire Trump a tort ou le Parti démocrate a tort. Mais en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils s'en sont lavé les mains. Ils ont dit on veut pas se prononcer là-dessus. Et la raison est évidente, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu prendre sur eux les conséquences de leur décision, d'une décision qui aurait pu ensuite être contestée avec des documents, des faits, etc., même si ça n'aurait pas inversé l'élection, et avec des conséquences politiques considérables que ça aurait eu, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, Trump n'avait plus de recours. Et voilà, mais il faut souligner ça, la Cour suprême n'a pas rejeté les demandes sur le fond. Ils ont dit, grosso modo, on prend pas le dossier, quoi. C'est aussi pour ça, si vous voulez, que vous allez avoir de plus en plus de troubles. C'est que les 75 millions et quelques d'électeurs de Trump sont convaincus de la fraude, ils ont raison, mais surtout, il n'y a pas de réponse suite à ce qui s'est passé. Il n'y a pas de réponse au plan juridique, ce qui laisse quand même flotter un soupçon sur tout ce qui s'est passé qui ne peut pas être résorbé, quoi. Ça c'est évident, quoi. Donc voilà. Donc la fraude, oui. L'imposteur Biden, évidemment. Mais bon, il a le soutien de tout le système, donc voilà. Alors juste faire le tour quand même du nouveau gouvernement américain. C'est même pas exhaustif ce que je vais citer. Je vais vraiment vous citer que les principaux noms, mais il y en a d'autres dans le gouvernement. Hein. Mais juste comme ça, en passant. Alors, je vais commencer. Le ministre de la Justice, donc aux États-Unis, on appelle ça l'Attorney General. Donc, c'est contrôlé. Alors, c'était déjà sous Trump, aux mains des Juifs, qui était donc le ministre de la Justice étant Barr. C'était un juif. Maintenant, ça sera le juif de Chicago, Merrick Garland, de son vrai nom, Horvitz. Voilà. Donc ça, c'est le ministère de la Justice, aux mains d'un juif, Merrick Garland. Le ministère des Finances, aux mains de la juive Janet Yellen. Donc c'est elle qui aura entre les mains la politique économique du gouvernement américain. Encore une juive, bien évidemment. Elle est une des dernières directrices de la Federal Reserve. Absolument, sous Obama. Et donc elle va être en charge donc, de la politique du Great Reset. Enfin, ça, il faut bien comprendre ça. C'est un gouvernement révolutionnaire, juif, qui s'inscrit donc dans cette grande révolution qu'on a décrite ici au fur et toutes ces dernières semaines à propos du Great Reset. Je pense qu'on a pour nos auditeurs, on a bien décrit ça en détail. Et là, c'est vraiment un gouvernement révolutionnaire qui est mis en place aux États-Unis. Et vous voyez que tous les postes clés sont aux mains des Juifs, ou quand ils ne l'étaient pas déjà. Mais là, donc j'ai cité le ministère de la Justice, aux mains des Juifs. Le ministère des Finances va évidemment être crucial, compte tenu de toutes les mesures qui vont être adoptées aux États-Unis, qui vont, à mon avis, ressembler pour beaucoup à ce qui se fait déjà en France. Le ministère des Affaires étrangères, donc aux États-Unis, on appelle ça Secretary of State, sera contrôlé par le néoconservateur juif Anthony Blinken. Alors, les néoconservateurs sont essentiellement, c'est un mouvement idéologique juif dans les cercles politiques américains, qui prône en fait l'agression militaire permanente. Donc Blinken, c'est quelqu'un qui était un grand partisan de la guerre d'Irak, par exemple, et des interventions armées pour imposer la suprématie juive au Moyen-Orient. Donc il faut bien comprendre que maintenant, c'est ce juif qui est aussi au ministère des Affaires étrangères. Je vais en citer encore un autre. Le ministère de l'Intérieur, donc ça c'est Secretary of Homeland Security, sera aux mains d'Alejandro Mayorkas. Vous allez me dire, Alejandro, ça c'est un hispanique. Pas du tout, c'est un juif cubain. Compte tenu des mots d'ordre, on va y revenir aussi, qui sont donnés, donc le ministère de l'Intérieur est aux mains d'un juif cubain qui va traquer les patriotes américains et se charger de la purge révolutionnaire voulue par les juifs. Ça, c'est très clair. Donc, ministère de l'Intérieur, ministère des Finances, ministère des Affaires étrangères, ministère de la Justice. Ça continue. La direction du renseignement intérieur, Director of National Intelligence, sera occupée par la juive Avril Haines. Elle aura la mission d'espionner donc toutes les organisations patriotiques américaines pour les neutraliser et les purger. Et également, c'est miraculeux, hein. Et puis aussi, pourquoi ne pas citer le bras droit direct, le directeur de cabinet de Biden. Vous avez compris, et d'ailleurs ça a été mentionné dans la presse américaine ces derniers jours, puisqu'il vient de rentrer à la Maison-Blanche, que Biden en fait n'assiste à rien. Ce week-end, par exemple, au moment où on parle, son calendrier, son agenda est vide. Et même la presse mainstream l'admet. Évidemment, 79 ans, montrant des signes de sénilité, vous avez compris que c'est un président fantoche. Au mieux, on peut espérer de lui de pouvoir le mettre dans un avion, de faire quelques discours ici ou là, et encore avec beaucoup de difficultés. En réalité, la machine est tenue dans l'ombre par le peuple élu, hein, j'espère que vous l'avez compris. Son directeur de cabinet, celui qui va s'occuper des opérations quotidiennes à la Maison-Blanche, celui qui va contrôler dans les faits la Maison-Blanche, n'est autre que Ron Klain. un juif, qui est d'ailleurs un faciès particulièrement juif. Donc c'est lui qui va en réalité contrôler la branche exécutive avec Biden quelque part de temps en temps pour faire des photographies. Mais je parlais du Great Reset. J'ai souvent dit que le Great Reset a pour prétexte, enfin son déclenchement a pour prétexte la crise sanitaire. On avait Trudeau qui avait parlé d'opportunité, c'est un mot qui revient souvent dans leur bouche. Voilà, la crise du Covid est une opportunité pour mettre en place cette grande révolution économique qu'ils veulent, dont on a parlé. Et alors, j'ai dit qu'elle était souvent liée à la pseudo-crise climatique. Comme je l'ai dit la semaine dernière, la crise soi-disant sanitaire, ça sert à semer la peur immédiatement dans les masses pour justifier des mesures d'exception, l'état d'urgence sanitaire. Mais ensuite, il faut faire perdurer toutes ces mesures. Et là, il faut une menace qui soit beaucoup plus diffuse sur le long terme. Et ça, c'est la question du réchauffement climatique. Le monsieur réchauffement climatique, et vous avez vu que Biden a annoncé immédiatement le premier jour de son entrée à la Maison-Blanche qu'il rejoignait à nouveau l'accord de Paris pour la lutte contre le pseudo-réchauffement climatique d'origine humaine. Le gars qui sera chargé de suivre cet agenda, ce n'est personne d'autre que John Kerry, l'ancien ministre des Affaires étrangères d'Obama, qui est aussi d'origine juive. Je vous invite à creuser sa biographie, c'est quelqu'un d'une famille très fortunée, hein, d'origine juive. Donc c'est lui qui va gérer tout ce qui va être... mise au pas économique au nom de du réchauffement climatique. D'ailleurs, j'ai vu que dans l'État du Nouveau-Mexique, qui a massivement voté pour Biden, ils sont tous en train de pleurer parce qu'ils viennent de découvrir que Biden allait détruire toute l'industrie de l'exploitation du pétrole et du gaz, qui en fait est la seule ressource de l'État. Donc ils sont tous en train de pleurer, en train de téléphoner à la Maison-Blanche en disant « s'il vous plaît, ne nous détruisez pas économiquement, on a voté pour vous ». D'après la presse, encore une fois, la presse mainstream, hein, on ne répond plus aux coups de téléphone. Donc en fait, on va les euthanasier économiquement, c'est le projet du Great Reset, c'est la destruction des énergies fossiles, soi-disant pour lutter contre le pseudo-réchauffement climatique, voilà. C'est en place, c'est mené, Kerry est derrière tout ça. Je pense qu'on ne devrait pas tarder à le voir à Paris dans quelques semaines. Et d'ailleurs, je suis obligé de vous lire ça parce qu'il a tout résumé. C'était dans le journal The Hill, c'est un journal de gauche américain qui est spécialisé dans l'actualité politique de Washington. Donc ce n'est pas un journal national au sens... c'est pas un journal comme... le New York Times, par exemple, l'équivalent du Monde, quoi. C'est vraiment un journal spécialisé dans ce qui se passe au plan parlementaire. Si je devrais un peu comparer, ce serait un peu comme une chaîne comme Public Sénat chez nous. Mais c'est vraiment pour que les gens comprennent. Voilà, ça se focalise uniquement sur l'activité parlementaire. Et Kerry y est cité abondamment, mais alors il parle... Je crois que c'est une des rares interviews qui va à l'essentiel et qui... mais carte sur table vis-à-vis du projet, à tel point que j'ai voulu vous la lire. Alors, je vous lis cet article du Hill. En juin, les élites d'importantes institutions internationales telles que le Forum économique mondial et les Nations unies ont lancé une vaste campagne de réinitialisation de l'économie mondiale, donc le fameux Great Reset. Le plan consiste à augmenter considérablement le pouvoir du gouvernement par le biais de nouveaux programmes sociaux de grande envergure comme le Green New Deal et à utiliser de vastes programmes réglementaires et gouvernementaux pour contraindre les entreprises à soutenir des causes de gauche. The Hill n'est pas une publication de droite, je précise. C'est une publication qui penche vers la gauche. D'accord ? Donc, ils le disent eux-mêmes, hein. Les deux justifications pour ce projet qui a été judicieusement nommé par ses partisans le Great Reset sont la pandémie de Covid-19, la justification à court terme, et la soi-disant crise climatique causée par le réchauffement de la planète. Selon les partisans du Great Reset, le plan transformerait fondamentalement une grande partie de la société. Comme l'a écrit Klaus Schwab, directeur du Forum économique mondial en juin dernier, le monde doit agir conjointement et rapidement pour réorganiser tous les aspects de nos sociétés, de nos économies, de l'éducation aux contrats sociaux et aux conditions de travail. Tous les pays, des États-Unis à la Chine doivent y participer et toutes les industries du pétrole et du gaz à la technologie doivent être transformées. En bref, nous avons besoin d'une grande réinitialisation du capitalisme, comprendre, basculer dans le néo-marxisme. Au niveau international, le Great Reset a déjà été soutenu par des dirigeants, des militants, des universitaires et des institutions influentes. Outre le Forum économique mondial et les Nations unies, le mouvement Great Reset compte parmi ses membres le Fonds monétaire international, des chefs d'État, Greenpeace et des PDG et présidents de grandes entreprises et institutions financières telles que Microsoft ou Mastercard. Mais en Amérique, la plupart des décideurs politiques, y compris le président élu Joe Biden, ont été relativement discrets au sujet du Great Reset, laissant beaucoup spéculer sur ce qu'une administration Biden ferait pour se tenir ou s'opposer à ce plan radical, je cite. Certains éléments indiquent que Biden et certains de ses principaux alliés soutiennent le Great Reset et tenteraient de l'imposer aux États-Unis, mais Biden et son équipe n'ont jamais explicitement déclaré que l'Amérique serait impliquée, c'est-à-dire jusqu'à présent. Lors d'une table ronde sur le Great Reset organisée par le Forum économique mondial à la mi-novembre, l'ancien secrétaire d'État John Kerry, donc l'ancien ministre des Affaires étrangères, et le futur envoyé spécial de Biden pour le climat, a fermement déclaré que l'administration Biden soutiendrait le Great Reset et que celui-ci se déroulerait plus rapidement et plus intensément que beaucoup de gens ne se l'imaginent. Lorsque l'animateur donc, du débat, Borg Brand, a demandé au Forum économique mondial et aux autres partisans de la grande réinitialisation s'ils attendaient trop de choses, trop vite du nouveau président ou s'ils allaient remplir ses promesses, ou s'il allait remplir ses promesses dès le premier jour, Kerry a répondu « La réponse à votre question est non, vous n'en attendez pas trop. » Et oui, la grande réinitialisation aura lieu, a poursuivi Kerry. Et je pense qu'elle se fera plus rapidement et plus intensément que beaucoup de gens ne se l'imaginent. En effet, les citoyens des États-Unis viennent de faire un Great Reset. Nous avons déjà fait un Great Reset. Et c'était au niveau de la participation électorale qui était record, donc en novembre dernier. Kerry a ensuite affirmé que la grande réinitialisation est nécessaire pour ralentir la crise climatique et que je sais que Joe Biden pense qu'il ne suffit pas de rejoindre Paris, donc les accords de Paris, pour les États-Unis, il ne nous suffit pas de faire le minimum de ce que Paris exige. Kerry a également déclaré qu'en raison du mouvement du Great Reset, il pense que nous sommes à l'aube d'une période extrêmement excitante et que la plus grande opportunité que nous ayons pour résoudre les problèmes socio-économiques est de faire face à la crise climatique. Les preuves de la connexion entre Biden et le Great Reset sont maintenant limpides. Lui, John Kerry et le reste de l'administration Biden ont l'intention de mettre en place le Great Reset aux États-Unis et s'ils réussissent, je cite The Hill encore, le pays ne sera plus jamais le même. Donc ça, c'est un article qui méritait d'être lu, parce que finalement, c'est jamais que ce qu'on explique, mais c'est bien que ce soit les médias les plus autorisés aux États-Unis qui le disent, surtout quand ils sont de gauche, quoi. Donc voilà, donc ça c'est John Kerry qui va être en charge de cette, avec notamment le ministère des Finances qui est aux mains de qui vous savez, qui va mener ça, quoi. Donc vous voyez, je crois que le panorama est complet, d'accord. Je vais vous simplement, voilà, est-ce que ça vous... Est-ce que vous avez envie d'en dire quelque chose, quoi, de ce qui est un coup d'État juif, en fait, hein. C'est une révolution de couleur juive, aux implications considérables, mais est-ce que vous avez envie d'en dire quelque chose? Est-ce que tu as parlé des 11 millions d'immigrés que va faire venir Joe Biden? Non, j'en ai pas parlé. Aussi... Oui, bon, de toute façon, il y a tellement de choses, hein. Il y a tellement de choses à dire, c'est vrai qu'ils sont très forts. Et on voit que c'est pas seulement des paroles, mais aussi des actes. C'était pas seulement des promesses en l'air, ils font bel et bien ce qu'ils disent. 11 millions, il y a aussi la question de la, entre guillemets, femme transgenre, enfin un homme qui est devenu une femme, pourrait-on dire, et qui est en charge de la santé désormais, enfin qui sera le ministre en tout cas. De... Anthony Fauci, lui donc, qui chapeaute de la santé depuis du CDC, tout ça. Et il a dit d'ailleurs hier, je crois que comment ça s'appelle le Covid, les cas de Covid ne montaient plus, donc Finalement, nous avions atteint la situation de plateau qu'il souhaitait. Donc, une semaine après que Trump ait quitté la Maison Blanche, ouais. Déjà la situation sanitaire s'améliore. Donc, les sauterelles, c'est-à-dire les sept plaies d'Égypte, là, ont disparu rien que parce que Trump a quitté la Maison Blanche. C'est miraculeux, effectivement, oui. Donc, c'est pour ça que je ne sais pas s'ils iront vers un reconfinement, puisque c'est vrai que je le pense socialisme. Que si. Je pense que si. Ouais. Oui, on peut spéculer. Je ne suis pas tout à fait honnête. J'attends encore un petit peu le mois de février parce que tu as parlé tout à l'heure de QAnon et tout ça. Alors, je ne vais pas faire l'apologie de quoi que ce soit, mais c'est vrai que des gens d'envergure comme Flynn, qui était quand même chef du renseignement militaire, qui était d'abord avec Obama, puis qui ensuite a travaillé pour Donald Trump, qui était gracié par lui d'ailleurs, a dit qu'il y a, lui aussi qu'il y aurait eu des manœuvres et que Joe Biden ne pouvait pas devenir le président, même après qu'il ait été considéré comme élu. Il y avait aussi l'avocat de Trump, Linwood, enfin dans le cadre de cette campagne, des choses similaires. Donc, pour ça, je ne veux pas me moquer de QAnon, enfin des gens qui se réclament de ça, parce que il y a des gens de haut niveau qui ont dit que quand même, ils laisseraient pas passer Joe Biden. Alors, est-ce que l'armée, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui pourrait se passer? Parce que là, ce que tu as décrit, ce qui est en train de se mettre en place, c'est la destruction des États-Unis. Donc, est-ce que des patriotes de haut rang auraient les niveaux pour les moyens pour empêcher quelque chose d'arriver qui mènerait de toute façon, si Biden et son équipe mettent ça en place, c'est la destruction des États-Unis tels qu'ils ont été connus en tant que puissance qui rayonnait sur le monde, parfois, qui pouvait, je sais pas, nous agacer, ou qui pouvait être critiqué parce qu'ils faisaient beaucoup la guerre, mais ils faisaient beaucoup la guerre d'ailleurs pour défendre les intérêts d'Israël en particulier d'ailleurs. Je ne sais pas ce qui se passera. J'attends le 1er mars pour tirer une première conclusion. Parce que Flynn l'a dit, hein, si jamais il y a quelque chose encore qui se passe, c'est dans le mois qui vient, après il y aura plein. Je tiens à préciser que, en fait, il y a une perspective qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que Joe Biden est sénile. Enfin, il approche de la sénilité. Hein. C'est manifeste, c'est pas moi qui le dis, je veux dire, bon, il y a eu des incidents de plus en plus nombreux qui prouvent que il perd la tête, donc ça c'est avéré. Et il suffit de faire un calcul, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a 79 ans, qui montre déjà des signes de fatigue et de sénilité, qui n'a pas d'agenda. Genre, c'est un président américain, il vient d'être élu, premier week-end, il ne voit personne, ne rencontre personne, n'a pas de coup de téléphone prévu, il n'est pas là. Et c'est ce que voulaient les Juifs. Les Juifs ne voulaient pas d'un président fort, même pour représenter leur cause. Ils veulent tout décider dans la coulisse, dans l'ombre, comme le font toujours les Juifs, avec une espèce de blanc sénile qui lit stupidement ce qu'on lui dit. Mais il n'y a pas de chef de l'État, en fait, si vous voulez, aux États-Unis. D'ailleurs, c'était marrant ce que disait Pierrot, qui nous a quittés depuis. Mais il disait, voilà... espèce d'engouement comme ça des médias avec des lauriers qui sont tressés pour Biden, mais c'est ridicule parce que autant Obama avait bénéficié d'un véritable soutien dans l'opinion américaine, je veux dire à gauche, quoi, c'était indéniable encore aujourd'hui, quoi. Donc on pouvait pas nier le fait qu'il était populaire, autant Biden n'inspire absolument rien. Je veux dire, il a il ne transmet rien, il n'a rien à dire, et comme je l'ai dit, s'il se mettait à trop parler, on verrait qu'il est sénile. Donc ils ne sont pas intéressés, quand les médias français nous disent, voilà, Biden ceci, Biden... Non, Biden est inexistant. Il ne transmet aucune énergie, comparé avec Trump. C'est-à-dire que Trump, même si vous n'aimez pas Trump, ou si vous le critiquez, vous ne pouvez pas nier le fait que Trump, à 75 ans, débordait d'énergie, était capable de transmettre de l'énergie comme pas possible à des masses immenses de partisans à travers tout le pays, quoi, à travers toute l'Amérique et au-delà. Il avait une vraie présence et on savait que lui, même s'il prenait de mauvaises décisions, en tout cas, on savait que lui, en tant que président, il était président. Biden, on sait qu'il n'est pas président. Il est là, il fait acte de présence, mais on voit très bien qui n'est pas présent. Et toutes les décisions vont être prises comme ça. Je veux dire, ça va être des trucs qui vont être dans la coulisse, on n'entendra même pas parler. Et voilà, quoi. Je veux dire, c'est ce qui nous attend. Donc, ce qui rend encore plus grotesque l'effort des médias français ou européens de présenter ce type comme une espèce de chef alors qu'il est inexistant. Fulbert, tu voulais parler? Oui, c'est une petite chose pour illustrer ce que tu viens d'expliquer, c'est que il y a de plus en plus d'Américains qui, sur les réseaux sociaux, expriment l'idée suivante, que Joe Biden est président, oui, mais seulement de Washington DC. Et donc, affirmant par là que, pour le reste, il ne contrôle rien. C'est ce que voulait le système, c'est-à-dire que Trump avait deux défauts aux yeux du système, c'est que c'était pas un politicien professionnel, il n'avait pas fait carrière dans la politique, d'une part, et deuxièmement, il venait du secteur privé. Donc c'est quelqu'un qui comprenait le business, etc. Or, pour le projet de Great Reset qu'ils ont, qui n'est qu'un ressuscé de marxisme, hein, ça n'allait pas. Le type, il ne faisait pas partie du système, n'a pas été coopté, n'était pas un apparatchik en réalité, donc aucune espèce de contrôle sur lui, et puis par instinct, il ne voulait pas détruire l'économie américaine. Donc ces deux choses ont fait que ce n'était pas possible. Biden, c'est tout l'inverse, c'est le candidat idéal. Le mec est un politicien professionnel, il a 79 ans, il est, au plan physique, si vous voulez, il est déjà diminué. Projetez-vous sur les années à venir, je veux dire, il a 79 ans, il va peut-être avoir 80 ans, qu'est-ce que ça va être quand il aura 84 ans? Est-ce que vous pensez qu'il sera candidat à sa réélection à 84 ans? C'est pas sérieux. Donc, le plan, en fait, ça vise à remettre les clés à la vice-présidente, Kamala Harris, donc, qui est une mulâtresse. C'est une mulâtresse, très radicale dans son genre, et elle est mariée à un juif. Donc tout est cornerisé par les juifs. D'accord ? Ils ont besoin de, comme ça, de créatures, de marionnettes à mettre devant les gens. Donc ils ont dit, voilà, la révolution néo-marxiste que les juifs veulent, pour la vendre, j'allais dire, aux centristes mous lors de l'élection, bon, bah, il fallait une espèce de vieux blanc qui inspire confiance. Voilà, rassurez-vous. Pas y avoir de révolution, tout va être calme et tout. Puis une fois qu'ils sont dans la Maison Blanche, là, Pépé, on va le débrancher et on va le remplacer par, je pense, en tout cas c'est une vraie possibilité, par Kamala Harris. Je ne serais pas surpris qu'en 2022, il nous la colle. L'autre étant décrété trop diminué physiquement pour faire quoi que ce soit. Et là, on aurait une situation intéressante parce qu'elle pourrait se présenter deux fois de suite. Donc elle pourrait être présidente pendant 2 ans et se présenter jusqu'en 2030, et remplir ses fonctions jusqu'en 2032, vous imaginez. Donc ça ferait 10 ans à subir une mulâtresse maquée à un juif, avec un gouvernement intégralement juif. Donc voilà ce qui se passe. Ah non, bah, Joe Biden, excuse-moi très rapidement, Philbert, Joe Biden a trempé dans beaucoup d'histoires aussi vis-à-vis d'autres pays. Il y a aussi son fils qui a été mêlé dans pas mal d'histoires en Ukraine et tout ça. La question de la Chine, et donc Biden est tenu hein, par des puissances étrangères. C'est vrai, toute la question du lobby juif, mais aussi de la Chine. Je sais pas, je crois pas qu'il soit tenu par la Chine ou quoi que ce soit, parce que la Chine, finalement, là-dedans, j'ai l'impression, est plus spectatrice, en fait. Qu'actrice. Hein, c'est clair que c'est pas la Chine qui fait la pluie et le beau temps aux États-Unis. Ceux qui racontent ça sont soit naïfs, ceux qui font la pluie et le beau temps aux États-Unis, ce sont les Juifs. Et évidemment, il y a toujours des accords un peu inavouables avec toutes les grandes puissances, parce que ça, c'est une procédure standard, en fait, dans la classe politique, y compris la classe politique française. Ça, les gens doivent le comprendre. Pourquoi tous ces gens se battent pour être ministres, etc. Les gens pensent que c'est parce qu'ils veulent mener une politique. Non, pas du tout. Quand vous êtes ministre, vous faites ce qu'on appelle du trafic d'influence. Voilà. Le temps que vous êtes ministre, vous allez négocier votre influence en encaissant, si vous voulez. Donc, quand vous êtes aux affaires étrangères, bah, typiquement, vous recevez des tas de sollicitations de tas de pays pour faire avancer votre dossier. C'est pour ça que, tout particulièrement en France, ça se produit souvent, parce que la France a un siège à l'ONU. Donc, par un veto, par des négociations de couloirs, tel ou tel pays qui n'a pas ce type d'avantage au plan diplomatique peut faire valoir ses intérêts. C'est ce que fait la France. Elle négocie, elle sous-traite son influence en tarifant. Alors, vous allez me dire, bah, c'est très bien, comme ça, la France a de l'influence. Oui, mais comprenez bien que c'est très rarement pour l'intérêt du pays. En fait, les ministres sont des corrompus en puissance et ne négocient pas au nom de la France, ils négocient en leur nom à eux. Donc ils demandent des pots de vin, des retours sur investissement, vous pouvez tout imaginer, hein, avec des comptes offshore, etc. Bon, aux États-Unis, c'est ça, mais multiplié par 100. D'accord. Et l'affaire du fils Biden, c'est ça en fait. C'est-à-dire que en Ukraine, vous savez, ils ont monté comme ça cette espèce de conflit contre la Russie. Je pense que les tensions vont monter très sérieusement avec la Russie sous Biden, parce que c'est à nouveau l'équipe des Juifs néoconservateurs qui revient. Donc leur objectif, c'est la destruction de la Russie. Ça, il ne faut pas le perdre de vue, hein, pour la coloniser. L'Ukraine, quand ils ont investi l'Ukraine, parce qu'en fait les Ukrainiens, ils sont révoltés contre contre la classe kleptocratique qui les pillait en fait, en 2014. Bon, mais c'était un mouvement sincère, c'était. Voilà. Mais tout de suite se sont greffés là-dessus tous les agents de la CIA, tous les agents de. Évidemment, et d'ailleurs, il y a Nuland, elle n'est pas citée dans la liste que j'ai donnée, mais il y a Nuland, l'ambassadrice américaine de l'Union européenne, américaine pour l'Union européenne, qui était présente à Kiev, qui avait distribué les fameux cookies, je ne sais pas si vous vous rappelez ça, elle a distribué les cookies sur le Maïdan aux manifestants, c'est une juive. Et elle est dans l'administration Biden. Donc, ils vont relancer le truc anti-russe. Ça va repartir. Donc, l'histoire du trafic d'influence, quand ils ont déclenché leur conflit en Ukraine, tous les fils de ministres américains, Tous les grands pontes en fait du système, ils prennent des arts. D'accord, les Clinton, les Biden, les Obama, ils disent aux Ukrainiens, ils disent les gars, on va vous aider, mais ça va coûter tant, en nature. Donc ça veut dire des parts dans des entreprises stratégiques, ça veut dire des parts dans des contrats d'armement éventuels, ça veut dire du cash sous la table, etc. etc., etc. Ils font tous ça. Tous. Donc c'est pas plus le fils Biden que les autres. Ils font tous ça. Et Biden, je crois qu'il avait reçu des parts dans une entreprise d'extraction de gaz, me semble-t-il, non ? Burisma, oui. Burisma, qui est une société ukrainienne gazière. Et donc, il touchait plusieurs centaines de dollars par an. Et puis, donc on a su, d'après ses mails et son ordinateur qui avait été retrouvé, hein, qu'il refilait la moitié ou une bonne part à son père. Alors que, parce qu'on n'a pas le droit de financer directement un homme politique quand il est en fonction. Mais donc, il y avait eu ce fameux coup de téléphone enregistré là, entre Joe Biden, quand il était vice-président d'Obama, vice-président des États-Unis, qui avait téléphoné au président ukrainien de l'époque, Poroshenko, qui après le Maïdan, a succédé à Yanukovych. Il lui avait dit, si tu vires le procureur qui enquête sur mon fils Hunter Biden, je te file $1 milliard. Et il s'en est vanté face caméra aussi, Joe Biden, ce qui prouve que, de toute façon, comme tu l'as dit, il était déjà au bout du rouleau, parce qu'il ne se rendait pas compte des risques que ça pouvait impliquer de dire ça face caméra, dans une réunion filmée en tout cas. Et oui, c'est de la corruption classique, mais Hunter Biden, il y a aussi l'histoire de photos sexuelles là, que vous pouvez regarder sur... un site, notamment QAQU et tout ça. Ouais, mais ça, c'est sale. Ça, c'est... Ouais, enfin, il baisait des femmes. Hein. Ça, c'est une opération de merde. Je le dis tout de suite parce que ça, on le doit ça à Bannon et à Giuliani, qui ont totalement raté le coup. C'est-à-dire qu'ils ont eu accès aux ordinateurs saisis du fils Biden. Et le seul truc qui comptait, c'était l'opération ukrainienne. C'est-à-dire, c'était tout le pognon qui circulait, qui mettait en lumière toute la corruption, etc. Et ces cons-là, ils ont réussi à foirer cette opération en montrant les vidéos de cul de Biden. Ce qui fait que tout le monde a parlé de Biden et des gonzesses qui sautaient. D'ailleurs, le mec, entre-temps, est passé pour une espèce de mal-alpha ultime, multipliant toutes les gonzesses possibles et imaginables. Et personne n'a plus jamais parlé de l'affaire de corruption. Je veux dire, enfin, Bannon est un demeuré fini, quoi. Je veux dire, c'est un demeuré, quoi. Et donc, Hunter Biden a continué son truc. Enfin, voilà, il est intact. Son père est à la Maison Blanche. Enfin, ça voilà, ils ont totalement raté cette opération. Je veux dire, voilà, ils se sont dit, je sais pas ce qu'ils se sont dit, hein, ils se sont dit que voilà, parce qu'ils allaient montrer la bite du fils Biden, ça allait changer la phase de la campagne, et ils ont clairement pas saisi que c'était pas du tout le sujet. Le sujet, c'était la corruption. Et que c'était ce qu'il y avait dans l'ordinateur. Et il fallait parler uniquement de ça. Bref. Mais la revanche va revenir, parce que Biden ne pardonnera jamais ce qui s'est passé. Et pour moi, en plus, c'était non seulement c'était contre-productif, mais en plus, ils n'ont pas fini de le regretter. Parce que maintenant, les représailles vont arriver, et elles vont tomber dur. Ça, je peux vous le dire, quoi. Enfin, bref. Tout ça pour dire que la corruption, maintenant, elle est en place. Enfin, elle était déjà en place avec Clinton. Ça va continuer. Et voilà. Et maintenant, ça va être aussi la purge. Ça va être la purge. Regardez ce qu'a déclaré. Le discours qu'on lui a donné à lire lors de son intronisation, vous savez, lors du serment qu'il a dû prêter, il y a quelques jours, là, à Washington. Voici ce qu'il a dit. Un appel à la justice raciale ne sera plus différé. Biden a déclaré, donc, la montée de l'extrémisme politique, de la suprématie blanche et du terrorisme intérieur devra être vaincue. Alors, vous allez me dire, c'est des platitudes. Oui, venant de Biden, évidemment, mais il y a quand même une déclaration de guerre qui est visible. Je veux dire, quand il dit on va vaincre la suprématie blanche, il faut bien comprendre qu'il ne parle pas des quelques membres du Ku Klux Klan, hein, qui sont officiellement 2 ou 3 000 aux États-Unis, un pays quand même de plus de 300 millions d'habitants. Il parle pas de quelques excités comme ça ou présentés comme tels par les médias. Quand on parle de suprématie blanche, tel que c'est compris par la gauche, notamment sur les campus américains et dans toute la presse juive américaine, la suprématie blanche, ce sont les blancs comme bloc racial. C'est pas ce qu'on appelle l'extrême droite ou les néo-nazis, la suprématie blanche, c'est simplement le bloc blanc aux États-Unis. C'est ce bloc dont il faut se débarrasser, 200 millions de personnes. Donc il faut les mettre en minorité, il faut qu'ils ne puissent plus gagner d'élection. 60% des blancs ont voté pour Trump. Donc ils ont très bien compris l'arithmétique politique. Hein. S'il n'y avait que des blancs aux États-Unis, Trump aurait été réélu triomphalement. Donc quand ils disent on va faire venir 11 millions de métèques, on va les régulariser, on va leur donner de la nationalité américaine, tout ça c'est du pur cynisme électoral. Hein. Et donc dans sa déclaration, c'est clair, quand il dit on va détruire la suprématie blanche, on va passer en mode Afrique du Sud aux États-Unis. C'est giga Afrique du Sud au programme. Giga Afrique du Sud. Et alors le terrorisme intérieur, ça va devenir une thématique. Parce que si vous suivez l'actualité depuis ces 5 dernières années, vous pouvez observer que, notamment en France, ça loupe jamais, quand la direction politique américaine décrète quelque chose, que ce soit contre un ennemi, c'est répercuté très peu de temps après en France. Ça met un peu de temps à incuber, les ordres passent, mais après... Donc vous savez quoi ? Nous allons tous bientôt être décrétés comme des terroristes de l'intérieur en France. D'accord ? Tous. Peut-être tous ceux qui refusent de suivre, etc. On sera tous décrétés comme des terroristes de l'intérieur. C'est comme ça qu'on va être présentés. Pas uniquement nous, je veux dire nous, nos auditeurs, tous ceux qui ont voté Marine Le Pen, faisant abstraction donc des qualités personnelles de Marine Le Pen, je veux dire, voilà, ça c'est le programme. C'est ce qui a été décrété par Biden, ça va bientôt être mis en place. Ça c'est inévitable. Quelqu'un veut dire quelque chose là-dessus ? C'est tout ce que j'ai déclaré là, tout ce que j'ai rappelé sur... Pas particulièrement ? D'accord. Non, c'est un tableau apocalyptique, mais ce qui est possible, c'est que un certain nombre d'États, tu as parlé du Nouveau-Mexique, je crois, un certain nombre d'États vont voir d'un très mauvais œil ce qui se passe, et peut-être certains voudront faire sécession. Hein, c'est une éventualité à voir. En tout cas, les États-Unis vont vers des jours très sombres. Oui, mais c'est l'objectif. Hein, quand ils veulent naturaliser 11 millions de migrants clandestins, l'objectif, c'est de transformer la carte électorale, notamment dans des États stratégiques comme le Texas. Et si ça se produit, c'est-à-dire que si le bloc blanc américain qui a fondé les États-Unis, ne l'oublions pas, ne peut plus gagner d'élection présidentielle, c'est-à-dire ne peut plus être représenté au niveau fédéral à la Maison-Blanche, comme ils sont dans un système fédéral, ils vont se dire à quoi ça sert de participer de cette union où on n'est jamais représenté. Ce qui repose la question un petit peu, si vous voulez, de la guerre de sécession en 1861. C'est-à-dire que vous avez le sentiment de ne plus pouvoir être représenté dans un système politique qui se prétend égalitaire et juste. Vous savez que vous ne pouvez pas gagner d'élection. Donc vos intérêts ne seront pas représentés. Et par ce trucage, cette ingénierie sociale et raciale qui vise à modifier la carte électorale, ils y parviennent, on verra un phénomène de séparatisme généralisé, qui sera beaucoup plus large d'ailleurs que le sud des États-Unis, ça ira beaucoup plus loin. Hein. Mais tu as tout à fait raison de pointer hein, du doigt. Hein. Oui, je voulais simplement appuyer sur le fait que ben, on va encaisser aussi, parce que cette histoire ne se limite, comme tu l'as dit dans ton exposé, ça ne se limitera pas aux États-Unis, ça va venir ici. Il suffit de voir avec quel empressement les dirigeants européens ont applaudi l'arrivée au pouvoir de Biden. N'est-ce pas, de voir comment certains États ont déjà donné certaines garanties. Tu as cité, ça n'a l'air de rien, mais tu as cité, ou plutôt, non, Alexis a cité tout à l'heure le transgenre qui était ministre, là. Bon, pour moi, le transgenre, c'est le fond du sac de la dégénérescence d'une race. Et... attends, je précise, il est d'origine juive, hein, transsexuel qui a été nommé à un poste important dans le ministère de la Santé. Hein. Il est d'origine juive. Hein. Oui, oui, absolument, absolument. Et ce que je voulais dire, c'est que certains États en Europe, je prends l'État belge, a déjà donné une garantie. On vient de nommer en Belgique, il y a quelques mois, il y a peu de temps, un ministre transgenre. C'est une femme qui a une paire de baloches entre les jambes, et qui est ministre des affaires publiques et des transports, si je me souviens bien. Et c'est le même cas que et les Vinets, là. C'est la même chose. C'est des gens, on montre là que, bah, à la limite, pratiquement, on agit en même temps qu'eux, on nomme en même temps qu'eux, on suit la même ligne, et on est heureux. Je parle des gouvernants, bien sûr. Oui. Navalny en Russie, en fait, c'est un escroc. Les gens ne le savent pas, mais il a escroqué L'Oréal, qui a porté plainte contre lui en Russie, pour escroquerie. Les gens l'ignorent, donc c'est un escroc. Et en fait, les Occidentaux essayent de s'en servir pour déstabiliser Poutine, de la même façon qu'ils ont essayé de déstabiliser Loukachenko. Je donne pas carte blanche à Poutine sur toute sa politique. C'est pas le sujet, on est dans la géopolitique, peu importe l'identité de celui qui occupe le siège au Kremlin, l'idée c'est que la juiverie new-yorkaise veut mettre la main sur la totalité de la Russie, avec en ligne de mire déjà la Chine, faut pas perdre ça de vue. Hein. Donc le plan des juifs est clair, et on va voir comme ça tous les conflits se réallumer instantanément. On va voir la Libye redevenir bouillante, on va voir la Syrie redevenir bouillante, on va voir probablement le Caucase devenir bouillant. Je ne serais pas surpris qu'on voit des islamistes, des djihadistes surgir un peu partout dans le Caucase. Un accord qui avait été trouvé, ça c'est un des points positifs de la présidence Trump, c'est un accord avait été trouvé entre Poutine et Trump pour éteindre les différents djihadistes originaires de Tchétchénie qui étaient en Syrie. Je pense que maintenant, ils vont recevoir un blanc-seing. Vous savez qu'à Idlib, dans le nord de la Syrie, la dernière province qui est encore entre les mains d'Erdogan, est LA plaque tournante mondiale du djihadisme. C'est à la frontière de la Turquie. C'est sur pratiquement à vol d'oiseau tout à côté de la mer Méditerranée. Vous avez là toute une série de djihadistes endurcis, entraînés, financés, et notamment des Tchétchènes. Ces gens-là vont pas tarder à être acheminés dans le Caucase pour déstabiliser cette région. En Ukraine, il va y avoir encore des troubles, Biélorussie, etc. pour même pas parler de l'Europe de l'Ouest, parce que nous, on va être dans la ligne de mire. Donc, c'est un système qui a un projet. Bon, j'ai cité The Hill avec l'article qui cite Kerry. Donc, le projet, on le voit. Géopolitiquement, on voit tout de suite les frictions apparaître. Bon, les consignes sont là. C'est un système qui va attaquer tous azimuts. Tous azimuts. Et ils sont quitte ou double dans leur logique. Quitte ou double. Et là, il n'y aura plus de cadeaux. Voilà. Voilà exactement où on se situe. Donc maintenant, franchement, faut s'attendre à un conflit surgi de nulle part. Je veux dire. On va voir les choses aller très vite maintenant, je pense. Pour eux, ils ont gagné. Dans leur état d'esprit, c'est voilà, ils se sont débarrassés de Trump. Ils peuvent enfin dérouler leur plan. Ils pensent qu'ils ont déjà gagné. Donc, ils n'ont plus aucune raison de faire preuve de retenue. Voilà. Voilà la situation aujourd'hui. Voilà où on en est. Et écoutez bien, hein, quand Biden dit voilà la suprématie blanche, comprenez bien que ce sont tous les blancs. Voilà, ça attaque la Russie. Voilà, on est reparti pour un cycle. On est reparti pour un cycle. Avec en plus une dépression économique. Organisée par ces mêmes gens, quoi. Parce que là, on y est, quoi. Et donc, ça va être beaucoup plus dur que ce qu'on a connu sous la présidence Obama, en fait. Donc, de 2008 à 2016. Ça sera beaucoup plus dur, beaucoup plus radical. Beaucoup plus dur, ouais. Quelqu'un veut-il rajouter quelque chose ? Eh bien, bienvenue en enfer, j'ai envie de dire. Bienvenue en enfer. Le projet millénariste juif, messianique, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, est en train de s'accomplir. Il est dans la dernière ligne droite, j'ai l'impression. Oui. Les juifs ont enfin. Ils sont enfin aux commandes de l'Occident, de la première puissance occidentale, à 100%, et donc première puissance mondiale. Et je pense que maintenant, ils pourront impacter chaque esprit de chaque personne de la planète. Je pense qu'on est parti, là, c'est bon. Et moi, j'attends de voir la suite avec impatience. Et pendant ce temps-là, la résistance blanche, les droitards, se branlent sur Marion Maréchal, parce qu'elle dénonce la charia. Qui doit être en train de s'établir en fait chez nous. Enfin bon, c'est la charia du pauvre hein, quand même, c'est poussif. Hein, je veux dire. Ouais. Non. Je pense qu'on a beaucoup plus, on subit davantage la kebabisation que tu vois que la charia en réalité. Oui, c'est plus ça déjà. Donc à la limite des violences ethniques. Mais là, on te parle de charia, parce que bon, c'est autorisé de parler exclusivement d'islam et non pas de race ni d'invasion migratoire, parce qu'il s'agirait de pointer qui l'organise, etc. Les œillères, quoi. Avant d'en parler, je voulais quand même citer ça, c'est le passage de Thaïs Descudon sur le plateau d'Hanouna, qui a été une mise en scène assez enfin, vraiment une mise en scène juive de A à Z. Ouais, je faisais allusion à ça aussi plus récemment. Ouais, donc, bah, j'ai pas écouté tout ce qui s'est dit. En fait, j'ai mis en route la vidéo pendant ça durait. J'écoutais 30 secondes. Après, c'était insupportable. Elle commençait à parler. Oui, l'invasion migratoire. Là, là. Tout de suite, le sale juif huileux d'Anoula, putride, putain. Qu'est-ce que je peux le haïr avec tous ces connards français qui adorent regarder son émission. Ah, faut voir lesquels. Hein. Oui. Le front des chiottes, quoi. Lui, tout de suite, qui coupe la parole, j'ai bien aimé le... Vous pensez que c'est la priorité, hein, l'invasion migratoire? Vous pensez qu'il n'y a pas d'autre priorité actuellement? Je veux dire, des gens meurent, le virus, en plus, c'est planétaire et tout. Bah, d'accord, mais bon, avant qu'il y ait le virus, est-ce qu'on pourrait en parler, alors, de l'invasion migratoire? Bien sûr que non. Bon, après, j'ai coupé la vidéo, j'ai fait, hop, c'est bon. Bien sûr. En plus, les arguments d'Hanouna étaient stupides. Enfin, je vois, oui, tu as tout à fait raison. Il a essayé de créer une fausse... Une fausse dualité irréconciliable entre, voilà, d'un côté la question migratoire, en réalité la question raciale du remplacement ethnique, et de l'autre la question sanitaire qui n'en est pas une pour la raison qu'on a expliquée. Mais en fait, il suffisait de souligner. Alors, la pauvre Thaïs Descudon, on lui a même pas laissé le loisir de s'exprimer, elle avait une espèce de. Toute une série de. Il faut voir les gueules quand même qu'il y a des créatures présentes. Hein. Je veux dire, c'était quand même c'est le Moyen-Orient. C'est le Moyen-Orient, excusez-moi, c'est le Moyen-Orient, quoi. T'avais Karim Zeribi, espèce de machin multicondamné pour toutes les escroqueries qu'il a au cul. Le mec, il appartient au mouvement, je sais pas, d'écologistes, machin. Enfin, le mec, c'est juste un bougnoule, enfin, écologie, c'est quoi ce truc. T'avais évidemment Hanouna avec sa gueule tordue de Marocain à la bite coupée. Enfin, c'est juste pas possible. Enfin... Tu vois, et ces mecs-là, ouais, alors, tu vois, mais tu sais, ils prenaient de haut une Gauloise sur sa terre, tu vois. Moi, c'est pour ça que je tolère pas ce débat, parce que elle a dit, mais vous êtes qui? Et tu sais, il dit à Thaïs Descudon, vous êtes qui? Alors, eux, génération identitaire, ils sont dans une logique, si tu veux, de participation au débat, d'engagement, d'essayer de marquer des points. Moi, j'aurais dit, bah, toi, t'es qui, toi? Le juif, d'où tu sors? Moi, je suis sur la terre de mes ancêtres, je suis un Celte, et toi, d'où tu sors, toi? Exactement, c'est ça qu'on va entendre. Tu viens d'arriver depuis combien de temps, toi? Je veux dire, tu veux pas aller en Israël faire un tour pour voir si c'est joli? Tu vois, moi, je l'aurais pris comme ça, tu vois, à froid, je lui dis, tu vois. Bon, après, j'ai pas une carrière de télévision devant moi, tu vois, non plus. Bon, c'est pas tout à fait mon projet. Mais en même temps, génération identitaire, bon, on les laisse passer sur un plateau, simplement pour servir de punching ball, mais après... Tu vois, ils repasseront pas, tu vois. Mais en tout cas, son argument, et on pouvait, enfin, sans être un pas aussi abrasif que moi, même si, franchement, je lui ai dit, écoute, moi, je suis sur la terre de mes ancêtres depuis 2000 ans, tu vois, toi, t'es un juif, si tu veux sur la terre de tes ancêtres, tu vas en Israël et tu me fous la paix. Tu vois, moi, j'aurais pris comme ça, tu vois, ça aurait été clair, net et précis, et j'aurais dit à Zeribi de retourner dans son bled et qu'il me fasse pas chier, tu vois, et qu'il arrête de faire sans. Non, parce que Zeribi parle des valeurs de la République, enfin, je veux dire, c'est quoi ce truc, quoi, je veux dire. Bref. Donc. La fausse dualité, c'était de dire, voilà, immigration ou bien question sanitaire. Mais il suffisait de pointer du doigt l'incohérent du discours ambiant. C'est-à-dire, j'aurais dit à Hanouna, mais écoutez, monsieur Hanouna, moi, je suis très cohérente et je pense qu'il faut être cohérent dans cette affaire. Le gouvernement nous dit qu'il y a une urgence sanitaire. Il proclame la fermeture des aéroports, l'interdiction pour les Français de sortir de leur domicile. Pour contrôler le mouvement des populations, afin de juguler ce virus dont les autorités nous disent qu'il est extrêmement dangereux. Et les frontières devraient rester ouvertes, parce que nous devrions, comme ça, laisser des populations venir illégalement s'installer définitivement sur notre territoire, en passant la frontière des Pyrénées, ou peut-être la frontière italienne. Mais attendez, mais qui est dans l'incohérence ici? Le Hanouna, il serait en train de... Putain, mais il se transformerait en espèce de... plat de spaghettis, je veux dire, il n'existerait plus, tu vois. Il aurait dérapé sous sa flaque d'huile. C'est une espèce de gros falafel dégueulasse, tu vois. mais non, mais c'est vrai, quoi. Je veux dire, en fait, tu retournais, il fallait pointer du doigt les incohérences. Alors, moi, je demande pas à cette gamine de faire ça, parce que, je veux dire, bon, voilà, elle est allée là-bas, elle est très courageuse, parce que c'est courageux, je veux dire, franchement, c'est épidermique au plan racial. Je ne peux pas approcher des faciès tordus de séfarades comme celui d'Hanouna. Je peux pas. Tout d'un coup, j'ai des images. J'ai envie de faire carrière à la SNCF, tu vois, quand je vois des gueules comme ça, tu vois. Donc, je peux pas. Bon, elle a pris sur elle d'y aller. Elle s'est dit, je vais passer le message. Mais en fait, quand tu voyais cette boue raciale autour d'une Française de bonne race, il n'y avait pas besoin de faire discours, en fait. Il faut les baiser sur leurs propres arguments. Ils parlent de... Mais comme tu l'as dit, de toute façon, il faut les baiser sur leur propre discours, en fait. Il ne faut pas chercher à broder. Ouais, à côté, c'est quoi. Pas besoin de dire... Enfin, c'est pas que c'est pas besoin, mais en fait... Il faut juste montrer à quel point leur truc est incohérent, qu'en fait, les mecs, ils sont sur des... Ils ont des agendas secrets, etc. Bref. Mais bon, peu importe. Toujours est-il que durant cette phase-là, durant ce passage-là, on voit bien que, comment dire, par rapport à tout ça, par rapport à cette question d'immigration, en fait, je veux dire, c'est un volet du programme du système. On a cité l'histoire, vous savez, là, des boulangers nègres magiques. Je veux dire, leur projet, c'est clair, on le connaît, on l'a décrit, ok. Là-dedans, l'immigration, ils déroulent ça de manière autoritaire, comme aux États-Unis avec la naturalisation des 11 millions de métèques, etc. Ils vont pour plus avoir à truquer les élections, en fait. Là, ils truquent encore les élections, mais une fois que vous aurez une majorité de métèques, il n'y a plus besoin de truquer les élections. Ils voteront toujours pour le parti des métèques. Donc tout ça est intégré dans la solution. Et en fait, j'ai un peu l'impression qu'on arrive à une phase où parler d'immigration n'a plus aucune espèce d'intérêt. Paradoxalement. Ouais. C'est-à-dire que je m'explique. C'est pas que ça n'a pas de pertinence de parler du remplacement racial, du fait. Mais j'ai l'impression, si vous voulez, que ça n'entraîne plus aucune espèce de réaction dans l'opinion. Mais en fait, oui, c'est. En fait, on est déjà envahi, en fait. Il n'est plus le temps qu'on en parle. On est déjà envahi. Donc, si les Français ne réagissent pas à ça maintenant, ils ne vont pas réagir si on leur en parle. Ils le voient mieux que nous, en fait, de ce qui se passe. Donc, ça n'a aucune pertinence, exactement. C'est ça le truc que je vois. Pareil de parler de charia, etc. Oui, c'est vrai, ça existe. L'islamisme, ça existe. Oui, on voit la constitution de poche islamiste. Mais tout le monde s'en fout. C'est ça le truc. Tout le monde s'en fout, en fait. Tout le monde s'en fout. Et on voit la machine qui déploie tous ses effets, et en fait, on se rend compte que par rapport au programme qu'ils ont, ça, c'est vrai que ça devient subsidiaire, en fait. Parce que des bouilloules, t'en as 1 million, 2 millions, 3 millions de plus. Des nègres, t'en as 2 millions, 4 millions, 5 millions de plus. Okay. Est-ce que ça va vraiment changer la donne? Non, en réalité, ça va pas changer la donne, tu vois. Les quartiers pourris seront aussi pourris. Les villes françaises sont un peu plus pourries, mais elles étaient déjà franchement pourries. Donc, en réalité, on en arrive à un stade, en fait, où on a déjà franchi le cap. En revanche, ce qu'ils font avec toutes ces mesures radicales de contrôle des populations, c'est d'empêcher tout retour en arrière, qu'il y ait même une discussion sur ces choses. D'accord ? Il n'y a même plus possibilité d'envisager une autre alternative, tu vois. Et là, les mecs, ils ont senti qu'ils nous ont capté. Avec le virus, ils ont créé un sentiment de... Ils ont paralysé le raisonnement des gens, tu vois. Ils ont paralysé le raisonnement. Les gens ne réfléchissent plus. Tu vois, les gens sont dans une peur permanente, tu vois. Donc, il n'y a plus de projection dans le futur. Et du coup, la question raciale devient totalement subsidiaire. Les gens ne sont plus dans ces questions. Maintenant, ils ont l'impression qu'ils vont mourir après-demain d'un virus très dangereux, tu vois. Donc, ils sont là, oui, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah oui, il faut mettre le masque, le truc. Et ensuite, la crise économique. Alors là, c'est comment je vais faire pour m'en sortir économiquement? Donc, tout ce qui peut être à l'échelle d'un an, de deux ans, n'existe plus. Donc, quand tu parles d'invasion islamique et du reste, les gens s'en foutent, quoi, tu vois. Ils sont complètement... tu vois, ça rajoute à la colère, mais en fait, ça change plus rien, quoi. Et quand j'ai vu cette jeune femme de Génération Histoire arriver sur le plateau et parler d'immigration clandestine, j'ai eu ce sentiment, et ce qui donnait un peu raison à Hanouna, même si c'était de sa part mensonger. Il dit, mais en fait, qu'est-ce que vous faites de la crise sanitaire? Et oui, c'est une crise qui est construite de toutes pièces, mais n'empêche que, psychologiquement, dans les masses, les gens s'intéressent uniquement à la question sanitaire et ne s'intéressent pas du tout à la question migratoire. L'invasion continue et ils s'en foutent. Donc j'ai un sentiment de contretemps, si tu veux. Un sentiment de contretemps. Tout ce qu'a dit cette jeune femme est vrai, c'est pertinent, mais c'est à contretemps. Tu vois, parce que ceux qui donnent le ton, c'est ceux qui contrôlent le système, et eux, ils sont déjà passés à autre chose. Et voilà. Et là, face à ça, tu vois, les mecs l'ont compris en haut. Ah oui, ils le voient. Ouais. Et maintenant, ils vont dire, ok, c'est bon, on les a tétanisés là. Maintenant, on va ouvrir les frontières un max, et on va repeupler la France de nègres comme jamais on a repeuplé la France de nègres, tu vois. C'est voilà, maintenant c'est pure ingénierie sociale et raciale, aucune limite, et voilà. Ouais, c'est exactement ça, open bar, quoi. Déjà, ouais. Que l'immigration était déjà massive, par exemple en 2015, on était déjà submergé, mais en plus il y avait les attentats, il n'y avait pas le virus. Bon, il n'y avait pas eu de réaction de la population. Maintenant, il y a Hollande, après il y a Macron. Ça hurle toujours plus fort l'immigrationnisme au sein de la politique. Toujours plus de nègres et toujours moins de réaction du peuple. Donc, oui. Bon, maintenant, en plus, il y a le virus. Ça prend racine dans l'esprit des gens. Là, c'est terminé. Ça leur occupe suffisamment l'esprit. Il peut y avoir même des attentats par-dessus. Rien à branler, quoi. Ouais, bah aujourd'hui, enfin il y a 5 ans, 6 ans, quand un musulman attaquait quelqu'un en criant Allah Akbar, ça faisait la une des journaux. Aujourd'hui, si tu veux, ça fait quelques lignes dans la presse régionale, voilà. Puis en plus, les journalistes, ils laissent planer le doute en disant oui, mais l'agresseur avait des antécédents psychiatriques, tu vois, donc ça permet aux gens, tu vois, même si c'est pas vrai, ça permet aux gens de se ménager une espèce de zone de confort en disant ouais, mais peut-être que c'était pas vraiment intentionnel, peut-être que le mec était vraiment fou et tout, donc j'ai pas vraiment à m'en soucier, en fait, il n'y a pas une entité hostile qui veut nous saigner et tout, tu vois, voilà. Ouais, ça fait partie du paysage, ce sont des faits divers, puis les gens voilà. S'en accommodent, et puis on passe à autre chose, quoi. Donc, quand tu vois tout ça accumulé, tu vois, malheureusement, voilà, on est dans une situation où tout est verrouillé, quoi, de mon point de vue. Par contre, dans un deuxième temps, et ça nous projette dans 10 ou 15 ans, quand le système va vraiment s'effondrer totalement... parce que les gens ont l'impression qu'il est au bord de s'effondrer, etc. Non, l'effondrement est beaucoup plus lent que ça. Ouais, mais quand il va vraiment se décomposer, comme l'Union soviétique, comme la Yougoslavie, comme la RDA, etc., là, les conflits ethniques vont exploser. Mais ça va vraiment être très, très, très, très sale. Parce que les conflits ethniques en Yougoslavie, c'était entre peuples blancs. Hein. Il y avait des différences de religion, etc. Donc, mais grosso modo, c'est des peuples du imaginez, quoi. C'est des gens de la même région et tout ça. C'est comme si les Normands se foutaient sur la gueule avec les Bretons, si vous voulez. Les armes à la main. Là, en France, on parle d'un différentiel, si vous voulez, de dizaines de millions d'années d'évolution, quoi. Des nègres, c'est ça. Vous prenez d'entrée de jeu 20 000, 30 000 ans, 40 000 ans de fossés génétiques. Attendez, quand il n'y aura plus tout le système d'État-providence avec le pognon à gogo, etc., ça va être la catastrophe. Hein. Ça, il faut que les gens en aient conscience. Hein. Ça va être du Tolkien, quoi. Ça va être le Seigneur des Anneaux. C'est les orques contre des elfes, contre d'autres races, des chevaucheurs de loups. Ouais, non, mais c'est totalement ça. Mais les gens ne pourront pas le voir avant que le système s'écroule complètement. Et le système va s'écrouler complètement. Ouais, et pour eux, pour les Blancs, j'ai l'impression que l'Occident, le niveau de vie, tout ça, c'est un acquis. Donc on peut se permettre tout n'importe quoi, tolérer des attentats ou quoi. C'est déjà acquis, on ne voit pas un écroulement à partir de tout ça. Quoi. Ouais. Et en fait, si, tout s'écroule, rien n'est acquis, tout est un combat de génération. Et c'est après 1000 siècles, c'est pas fini, il faut continuer à combattre pour conserver. Quoi. Les gens, ils ne voient pas ça. Les gens sont intéressés que par eux-mêmes et un jour tout va s'effriter et tout d'un coup, je pense. Même si ça prendra un certain temps encore, parce que les Juifs ils vont réussir à exploiter toutes les situations possibles, imaginables dans tous les sens, et au bout d'un moment, quand il y aura plus qu'il faut, ça s'écroule net. Et nos petits-enfants ou petits-petits-enfants, je sais pas, eux, ils vont tous prendre dans la gueule. Non, mais même nous, déjà, ça va être pas mal. Mais ceux qui ont 20 ans aujourd'hui, ça va pas être piqué des hannetons. Ce qui fait que le système tient encore, c'est que les gens ont ce réflexe psychologique de différer. Donc ils pensent qu'ils peuvent différer dans le temps et dans l'espace. Les menaces, d'accord. L'immigration, ouais, d'accord, ok, des bougnoules, c'est pas grave, je peux différer. Je peux esquiver. Beaucoup de gens sont comme ça. C'est en fait, ouais, ça arrive aux autres, ça m'arrivera pas à moi. Oui, oui. Et au bout d'un moment, si tu veux, alors ça c'est un phénomène assez intéressant parce que plus il y a de métèques, plus il y a la pression migratoire, plus il y a aussi la baisse du niveau de vie, etc., plus la pression s'accumule sur les gens. Okay. Mais les gens, ils achètent, ils mettent de l'espace entre eux et la menace. Mais le problème, c'est que tout le monde met le même espace entre eux et la menace. Et au bout d'un moment, si tu veux, ça crée un phénomène de cocotte minute, de compression. C'est-à-dire que tous les blancs vont vers les mêmes endroits pour fuir les mêmes menaces, tu vois. Et au bout d'un moment, ils ne pourront plus fuir. Donc, c'est un phénomène d'accumulation de la pression. C'est pour ça que le différé porte bien son nom, c'est différé. Ce n'est pas résolu, c'est différé. Donc, la crise ressurgira. Et les gens qui pensent qu'en différant, ils peuvent résoudre un problème, se mentent. Malheureusement, c'est l'état d'esprit qui prévaut aujourd'hui parmi la plupart des gens qui, je veux dire, on va dire, pas des gens qui voient clair, comme ceux qui nous écoutent, mais des gens qui comprennent des trucs, mais qui hésitent. Tu vois, ils disent, ouais, d'accord, ok, il y a vraiment des trucs qui merdent, mais. Tu vois, il n'y a pas assez de concret, pas assez de concret autour d'eux, quoi. Ouais, voilà, et puis bon, finalement, je m'en sors pas trop mal, j'arrive à... Mais si c'est pas eux qui se feront bouffer, ce sera leur gosse. C'est pour ça que je parle de différé dans le temps et dans l'espace. C'est-à-dire que tu peux peut-être négocier pour toi, mais pour la génération suivante, ça sera peut-être pas comme ça. Alors du coup, si les gens ont des enfants, c'est pour qu'ils se soucient quand même de leur avenir. Donc tu peux pas juste te dire, voilà, j'ai fait mon trou et je suis content et mes gosses vont se démerder. Non, tu es obligé de te soucier de toutes ces questions-là. Voilà. Donc je pense que... Ça, c'est pour l'époque suivante, en fait. C'est la future époque. L'époque de la confrontation raciale totale, quoi. Mais elle est pas pour tout de suite. D'abord, il y a la chute du système, tu vois, qui recourt à des mesures exceptionnelles, comme tout ce qu'on voit, hein, c'est ça. Et ça va être autre chose, déjà. Parce que même si on arrive à lui faire la peau, à ce système, il aura tellement détruit de trucs. Je veux dire, c'est un peu comme la peste noire, tu vois. C'est genre d'événements comme ça, ce qu'on appelle, à juste titre, des catastrophes. Une catastrophe, c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qu'on n'attend pas. C'est la même chose, là, tu vois. C'est une catastrophe. Une catastrophe surgit, tout est détruit, et tu vas mettre des siècles à tout reconstruire. Et malheureusement, je crois que c'est ce qui nous arrive. Oui, il s'agit surtout du... Ouais, surtout sur, quand il s'agit d'une maladie mentale qui te permet de dissocier ton propre peuple, ton pays, ton héritage, les gens n'ont rien à foutre et ils mettent ça de côté, tu vois. Et ça, pour redresser ça, ouais, je pense que tu peux pas redresser les gens, faut se baser sur leurs gosses, reformer les esprits dès le départ, faut repartir à zéro, quoi, en fait. Ouais, ça se fera beaucoup dans l'adversité, en fait. Ça les éduquera naturellement aussi, de toute façon. Voilà. C'est beaucoup l'adversité qui façonnera des nouvelles personnes, des nouveaux caractères, si tu veux. J'ai l'impression que l'occidental moyen est atteint du syndrome de Diogène. C'est-à-dire que dans son pays, il accumule de la merde, quoi. Puis il veut pas s'en débarrasser. J'ai l'impression que c'est un peu ça, tu vois, si on veut faire une petite image. Alors messieurs, en tout cas, discussion intéressante pour cette semaine. J'espère que nos auditeurs auront apprécié et pourront commenter tout ce qu'on a dit dans les commentaires de l'émission. Merci à vous tous et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut.